Eh ben, concentrons-nous un petit peu sur les bruines et fines pluies qui font notre quotidien ce jour. Elles avancent lentement d'est en ouest. C'est pas grand-chose en termes de quantité et ça ne va pas être non plus toute la journée. On a encore quelques éclaircies qui résistent sur l'extrême sud du pays, mais donc partout ailleurs, eh bien, ça va devenir nuageux avec ces petites pluies ou bruines. On notera aujourd'hui un renforcement du vent, 8 à 12 degrés seulement, donc un petit peu de fraîcheur pour la saison. Mais dès demain, on reparle d'un temps sec avec 9 à 14 degrés, encore assez bien de vent. Une petite zone de pluie dans la nuit de vendredi à samedi et le week-end qui, lui, sera nettement plus clément avec un temps qui redevient sec et des maxima de 15 à 18 degrés. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Sébastien Pierret pour le journal, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et à force de se taire, Salah Abdeslam se retrouve sans avocat. Ces deux conseils, le belge Sven Marie et le français Franck Berton, renoncent à défendre le seul terroriste encore en vie des attentats de Paris. Ils ne peuvent pas porter la parole d'un homme qui se tait. On a décidé, l'un et l'autre, de renoncer à la défense de Salah Abdeslam. C'est pas un abandon, c'est une renonciation. Nous savons et nous avons la conviction, et il nous l'a dit, qu'il ne s'exprimera pas et qu'il respectera ou qu'il appliquera ce qu'on appelle le droit au silence. Franck Berton, le désormais ex-avocat de Salah Abdeslam. Depuis son transfert en France, Salah Abdeslam n'a pas dit un mot aux enquêteurs. Il refuse de parler tant qu'on maintient la vidéosurveillance 24 heures sur 24 dans sa cellule. Pour ses anciens avocats, c'est désormais peine perdue. Il pointe la responsabilité des autorités françaises qui en ont fait, je cite, un rat dans un terrier. Les familles des victimes des attentats de Paris ne voient pas les choses de la même manière. Depuis le début, Salah Abdeslam se cherche des excuses pour ne pas parler. C'est le sentiment de Samia Maktouf, l'avocate de plusieurs familles de victimes. Il n'a jamais, de toute manière, été dans une posture de vérité, d'explication. Il n'a fait que faire croire qu'il allait coopérer. Aujourd'hui, pour les victimes, bien sûr que c'est ressenti comme du mépris, parce que ces victimes attendent une vérité, des explications. L'instruction continuera avec ou sans lui. Il est fidèle à ses convictions de terroriste. C'est une attitude lâche. C'est une attitude de quelqu'un qui a toujours été dans le mépris et dans dans cette posture de haine et de violence. L'avocate de plusieurs familles de victimes des attentats de Paris, jointe ce matin par nos confrères de France Info. La suite des négociations maintenant sur le budget. Elles reprennent ce matin. Après les tensions de lundi soir, tout le monde est à nouveau présent. Il reste à aplanir les dernières divergences de point de vue sur les réformes à venir. Des rencontres bilatérales sont au programme de la journée. Alors, on ne connaît pas encore concrètement les mesures qui sont prises lors de ce conclave budgétaire. Seule certitude pour l'instant, de nouvelles économies seront réalisées dans le secteur des soins de santé. Un revirement donc de la ministre de la Santé, Maggie De Blocq, dénoncé ce matin par Laurette Handkellings, chef de groupe PS à la Chambre et ancienne ministre de la Santé. C'est un gouvernement qui privilégie l'effort budgétaire à l'encontre des gens, à l'encontre des consommateurs. On l'a vu avec l'augmentation des prix de l'énergie, les prix, les accises, diesel, produits alimentaires, etc. La santé, les efforts énormes sur la législature, c'est plus de 3 milliards d'efforts sur les soins de santé. Parce que 900 millions d'économies sur les soins de santé, c'est vraiment faire payer la crise sur le dos des malades. Oui, vous en avez vous aussi, hein, des économies dans la santé quand vous étiez ministre. Jamais. Pas autant. Monsieur N, jamais sur les patients. Laurette Handkellings, chef du groupe PS dans l'opposition à la Chambre. Elle était au micro de Bertrand Hay. Ce mercredi, c'est parti pour la quinzaine de l'éducation aux médias. 15 jours pour comprendre et décoder la presse, la publicité et les réseaux sociaux. 15 jours pour aiguiser notre sens critique aussi. Et on en a bien besoin à l'heure actuelle avec tout ce qui circule sur Internet. Un exemple, cette information qui s'est retrouvée sur de nombreux sites il y a quelques jours. Une jeune fille autrichienne décide de porter plainte contre ses parents parce qu'ils ont posté des photos d'elle sur Facebook depuis qu'elle est toute petite. Miguel Allo, en réalité, il s'agissait d'une information complètement bidon. Au moment où nous avons découvert cette information, nos journalistes ont cherché à illustrer le sujet en télé. Nous avons d'abord contacté l'ORF, la télévision publique autrichienne, mais ils n'avaient pas d'image. Christian Jans est responsable de la chronique quotidienne à l'ORF. Nous avons essayé de chercher les parents ainsi que la jeune fille qui, soi-disant, portait plainte contre ses parents. Nous ne les avons pas trouvés. Nous avons également appelé tous les tribunaux ainsi que tous les avocats chargés du droit des médias que nous connaissons en Autriche. Personne n'a pu nous dire « oui, cette affaire existe et elle est actuellement traitée par l'un de nos tribunaux ». Nous n'avons dès lors pas pu confirmer l'information. Le sujet n'a dès lors pas été traité par l'ORF. Mais comment expliquer que cette fausse information ait réussi à faire le tour de nombreux sites d'information de qualité? Écoutez Patrick Vernier, président du Master en éducation médias Aliex. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans la chaîne de l'information. Des médias d'autres pays ont relayé une information dont qui s'est éloignée de la source. On peut constater qu'au plus cette info est éloignée dans des langues étrangères, etc., au moins les outils traditionnels de recoupage de l'info deviennent de plus en plus compliqués à gérer. Deuxième sous-explication, c'est aussi l'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation des médias de qualité, des médias professionnels, devient dramatique au niveau des moyens et du temps qu'on a pour traiter une information. Depuis lors, l'information a été mise à jour sur notre site internet. Cela ne retire rien, l'erreur, mais permet au moins de la corriger. Un sujet de Miguel Allo et Tristan Godard. En sport maintenant, David Goffin s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis de Shanghai. Il a écarté le français Benoît Paire en 2-7, 6-1, 7-6. Au prochain tour, David Goffin affrontera un autre français, Gaël Monfils, huitième joueur mondial. En cyclisme, les championnats du monde continuent sous la chaleur au Qatar. 38 degrés sont annoncés aujourd'hui pour le contre-la-montre élite. Les favoris s'appellent Tony Martin, Tom Dumoulin ou encore Juan Denis. Les deux Belges alignés sont Victor Kampenaerts et Yves Lampaert. Enfin, il y en a un ce matin qui se demande ce qu'il va faire avec ses 168 millions d'euros. Un Belge a remporté hier soir le tirage de l'euro-million, plus de 168 millions d'euros. Donc, c'est un gain record dans notre pays. RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf et un accident sur la E42. Effectivement, et notre gagnant est peut-être dans les embouteillages ce matin. Un accident sur le 42 Liège-Namur à hauteur de Andenne. La bande de gauche est neutralisée. Il y a des files depuis Héron en direction de Namur. Ajoutez une vingtaine de minutes à votre temps de parcours. Un véhicule est en panne sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Kreinem. La bande de gauche est occupée par cette voiture en panne en direction de la Cité Ardente. Pour rejoindre Bruxelles dans l'autre sens sur le 40 qui vient donc de Liège, on ajoute encore 30 minutes. C'est également très compliqué de rejoindre Bruxelles depuis Anvers via le 19. On ajoute une demi-heure supplémentaire. Préférez donc la 12 pour rejoindre la capitale, où les automobilistes perdent là-bas une dizaine de minutes. 20 minutes en plus sur le 40 qui vient de Gand, où les ralentissements commencent à Alost jusqu'à Grand Bigard. 20 minutes également sur le 411 qui vient de Namur, entre Overijse et le Carrefour Léonard. Un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur d'Ytre. La bande de droite est neutralisée vers Nivelles et on ajoute 21 minutes entre le Carrefour Léonard et Ytre où s'est produit cet accident. Ailleurs sur le ring, vous perdez encore une vingtaine de minutes supplémentaires entre Ytre et le Carrefour Léonard. Et en circulation extérieure et pour la circulation intérieure, une demi-heure supplémentaire entre Grand Bigard et Zaventem et ça ralentit encore dans la plupart des tunnels bruxellois. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé. Benjamin, si vous êtes là ce matin, j'imagine que ce n'est pas vous le regagnant de l'euro-million. Peut-être pas. Ah, vous nous cacherez ça. Peut-être pas. Je vous recommanderais d'être très gentil avec moi aujourd'hui, on ne sait jamais. D'accord, j'attends ma commission. Sur ce mystère, discutons. Maintenant chez Easy Par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur easyparexcel.be. Tous les matins en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 0,70-233-466. Un technicien viré par Aurès sabotait les cabines électriques des villes pour se venger. Avoir envie de se venger quand on est viré, est-ce que ça fait partie du processus classique? Après 8 ans de carrière, en 2013, André, 33 ans, se fait donc licencier par Aurès, qui est l'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel en Wallonie. Le technicien ne digère pas son C4, il entame alors une série de sabotages de cabines électriques. Il a gardé des outils, il a gardé des clés de cabine électrique, il détient encore des codes et parvient à nuire à l'alimentation d'écoles, de lieux publics et même d'un hôpital. Aurès est parvenu à le stopper et à stopper cette vengeance grâce à la mise en place d'une surveillance et lui réclame aujourd'hui 10 000 euros de dommages, dont 7 500 pour la main d'œuvre, un montant qu'André conteste puisque le personnel, dit-il, est quand même payé pour réparer. Alors ma réparation ou une autre, peu importe. L'affaire est jugée par le tribunal correctionnel, jugement le 7 novembre, André a avoué. C'est la question pour vous ce matin. Un technicien viré par Aurès sabotait les cabines électriques dans les villes pour se venger, avoir envie de se venger quand on est viré. Est-ce que ça fait partie du processus classique? Charles Michel devait présenter sa trajectoire hier à la Chambre. Eh bien, il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. Et la veille, c'est Chris Peters qui avait claqué la porte. Que vous inspire cette crise, crisette? Depuis dimanche, la confection du budget est donc un feuilleton à rebondissement. Après Chris Peters qui a claqué la porte lundi à 19h et qui n'est jamais revenu, voici hier donc le rendez-vous non honoré. Charles Michel était attendu à la Chambre pour présenter sa déclaration de politique générale, sa trajectoire donc pour l'année. C'était prévu, mais hier à 14h56, personne, ni le Premier ministre, ni les ministres. À ce moment-là, l'opposition devient folle. Je demande qu'il y ait un membre du gouvernement qui vienne expliquer pourquoi on vous a écrit cette lettre. Ce constat d'un banc gouvernemental complètement vide, c'est excessivement interpellant. Ça fait des mois que tout le monde sait que le gouvernement doit être présent aujourd'hui avec une déclaration générale. Et ce matin, donc, toujours pas de budget à l'horizon, même si la conversation a redémarré hier. C'est la question pour vous ce matin. Charles Michel devait présenter sa trajectoire hier à la Chambre. Eh ben, il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. La veille, Chris Peters avait claqué la porte. Que vous inspire cette crise, crisette? Et puis au 0,70-233-466, à la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV aux fraudeurs. Question, doit-on laisser une marge de manœuvre à un contrôleur ou c'est tolérance zéro? Jusqu'ici, donc, face à un fraudeur, les contrôleurs de la STIB pouvaient décider de ne pas faire de PV. Ils ne pourront plus le faire, tout simplement parce que la direction vient de modifier le logiciel qui est utilisé dans la tablette qui contrôle les titres de transport. La tablette contrôle. Avant, le contrôleur pouvait approuver la fraude. Eh bien ici, il n'a plus de choix. La fraude est avérée. Si la tablette dit fraude, ce sera PV automatiquement. Un passager qui a un abonnement mensuel mais qui ne l'a pas validé en montant dans le véhicule sera donc sanctionné. Il n'y a plus aucun pouvoir discrétionnaire donné au contrôleur. C'est la question pour vous ce matin. À la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV aux fraudeurs. Doit-on laisser une marge de manœuvre à un contrôleur, que ce soit dans les bus, dans les trains ou ailleurs? Trois débats et le standard est ouvert, Zoé Boss. Avec moi, Marion Jomotte est prête à recevoir vos appels au 0,70-233-466 ou à lire vos SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats, dansez-vous qu'il dites. La vengeance d'un licencié, Charles Michel envoie une lettre à la Chambre et des contrôleurs qui ne pourront plus fermer les yeux. Le débat, c'est vous qu'il fait. Autour de la table, Déborah Laurent, journaliste à 7sur7.be et Laurence Piret, journaliste à Sud Presse, vont entamer la conversation avec vous. Benjamin. Déborah et Laurence, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Premier débat sur la table, ce technicien viré par Aurès qui ne le digère pas. Et il entame donc un parcours de sabotage allant de cabine en cabine en cabine pour saboter et se venger. Sur papier, même si on comprend bien là qu'il y a une forme d'illégalité, Laurence, est-ce que vous comprenez que la vengeance soit un sentiment qui vient très très vite après un licenciement? Je peux comprendre que ce soit un sentiment qu'on ait envie de régler ses comptes, etc. Après, je pense que clairement, ça ne se fait pas. On ne règle pas ses comptes avec son employeur et surtout pas comme ça. Si on estime qu'un licenciement est abusif et problématique, bah, y a des recours en justice qui existent, il y a un tribunal du travail qui existe. Donc voilà, après, ce personnage a l'air d'avoir un profil très particulier, donc je pense que de toute façon, il aurait perdu. C'est une circonstance atténuante ou pas? Je suis licencié, j'ai une forme de rancœur, c'est violent d'avoir un C4. Ça peut être une circonstance atténuante, Déborah? Non, à un moment on a de l'éducation, on est obligé de parfois d'accepter des situations qui nous plaisent pas, évidemment c'est difficile, évidemment s'il a l'impression d'avoir été d'avoir été floué, d'avoir été viré pour rien ou pour une mauvaise raison. Effectivement, il a d'autres recours que ça, mais en plus, il a fait des manœuvres quand même relativement dangereuses. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait encore, ce monsieur, avec du matériel de sa société, alors qu'il avait été renvoyé? C'est que ça n'a pas été contrôlé. Ah, c'est un des arguments utilisés par ses avocats. Effectivement, est-ce qu'il y a une faute là ou une erreur, Laurence, de la part d'Orès, qu'il le laisse partir avec des codes? Il a encore du matériel, il a des clés de cabine électrique, ça pourrait se passer dans n'importe quelle entreprise, il a encore des accès. Là, c'est une faute de l'entreprise ou pas? Non, pas spécialement. Je pense que voilà, avoir des codes, effectivement, des codes d'accès de bâtiment, parce qu'une personne est virée, on ne change pas forcément toute la sécurité d'un bâtiment. On compte aussi sur l'intégrité des personnes pour respecter ça. Après, pour moi, clairement, il pourrait y avoir vol. Pour moi, c'est du vol que ce monsieur ait gardé du matériel. Il y a vraiment malveillance et il y a clairement une mise en danger d'autrui. Aller couper l'électricité pour une école et un hôpital, je trouve ça complètement fou. De la part d'Aurès, Déborah, est-ce qu'il y a un défaut de prévoyance? Ces gens auraient quand même pu penser que... il fallait reprendre du matériel. Bah, écoutez, je ne sais pas pourquoi il a été renvoyé, mais peut-être qu'il avait un profil psychologique qui pouvait poser question. Donc du coup, quelque part, c'est un peu lui tendre une perche. Si on sent que quelqu'un est un peu énervé et qu'on lui laisse du matériel, moi, si demain je me fais virer pour une raison absurde, mais qu'on me laisse mon ordinateur, mes codes, et que j'ai envie d'aller pirater le site, je pourrais le faire. C'est une incitation. Donc, du coup, Aurès l'a incité. C'est pas une incitation, c'est une maladresse qui fait que si on est face à quelqu'un qui est effectivement animé par un désir de vengeance, ça peut provoquer des situations problématiques. Donc je pense que c'est à l'employeur de mieux s'organiser, de vérifier ce qu'il a laissé entre les mains de la personne qui licencie et de récupérer ce qu'il faut. Je reviens au sabotage que vous avez rapidement évoqué, Laurence. Effectivement, il va saboter des cabines électriques. Ça appartient à Aurès. Mais qui est impacté? Eh bien, ce sont des écoles. Même un hôpital a été impacté. Il y a ce moment donc où le saboteur ne se comprend pas qu'il se venge sur les mauvaises personnes. Je pense qu'à un moment, peu importe finalement qui est touché, l'important c'est vraiment de toucher au reste, de les impacter d'une manière ou d'une autre, de les ennuyer, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, sa vengeance. Cet homme, il n'a pas pensé au-delà, donc il se dit « je me venge de mon employeur », mais il ne pense pas aux victimes après. Je pense que le principe de la vengeance, une vraie vengeance, c'est un sentiment qui nous anime et qui dévore un peu tout. Donc quand on est dans une envie de se venger, on n'est plus vraiment raisonnable. Donc du coup, je pense qu'il était juste obsédé par cette envie de se faire justice lui-même et que du coup, il n'a pas du tout pensé aux conséquences. On va demander un avis à Liège. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et je sais que vous avez été licencié il y a quelques années, vous connaissez ce moment. Un technicien viré par Aurès sabotait les cabines électriques dans les villes pour se venger. Avoir envie de se venger quand on est viré, ça fait partie du processus classique? Vous avez eu envie à l'époque? Oui, bien sûr, je reprends je suis tout à fait d'accord avec vos deux interlocutrices. Mais vous vouliez vous venger de qui, de quoi, quand on vous vire? De la société qui me vire pour des motifs qui ne sont pas valables. Maintenant, je ne sais pas pour quelle raison ce monsieur a été licencié. Maintenant, l'envie de vengeance, je crois qu'il faut plutôt essayer de faire valoir ses droits. Et nous, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on était 5 à être licenciés pour des motifs tout à fait futiles. Hein. Du style travail lentement, des choses dont on pouvait absolument pas prouver. Mais donc la vengeance, elle est liée à l'injustice. On a fait appel à un avocat, Prodeo, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Et en fait, il s'est avéré tout simplement que... Donc on a gagné le procès, d'une part, et l'entreprise est tombée en faillite pour fraude fiscale. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant... Béatrice, c'est pour comprendre le processus de la vengeance. Quand cette entreprise est condamnée, est en tort d'après la justice, quand elle tombe en faillite, vous vous dites à un moment, je suis vengé, très honnêtement. Vous le vivez comme ça? Oui, oui, oui. Je suis vengée, j'ai fait valoir mes droits, je n'avais pas à être licenciée, c'est eux qui ont essayé d'en profiter, et voilà. Maintenant, je ne cautionne absolument pas les faits de ce monsieur. Je ne vous demande pas si c'est normal. C'est du sabotage, c'est du vandalisme, c'est du vol, et se mettre, comme disaient vos deux interlocutrices ici, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Hein. Qu'on se comprenne bien, la question n'est pas est-ce que c'est normal de saboter, hein. La question est-ce que l'envie de vengeance est un processus classique normal après un choc et un licenciement, et vous avez ressenti ce moment-là, l'envie de vengeance, Béatrice, elle est passée par la justice. Je termine rapidement, mesdames, autour de la table. Dans le cas Aurès qui nous occupe, l'affaire est jugée par le tribunal correctionnel, mais l'homme a avoué, il a dit oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est une circonstance atténuante qui le disculpe légèrement, Déborah ? Bah, un petit peu, on dit toujours faute avouée, ouais. À moitié pardonnée. Donc au moins, il reconnaît ses torts, il reconnaît qu'il n'aurait pas dû, je pense. Après, il doit quand même être sanctionné. Hein. On ne peut pas laisser passer ça comme ça sans... Il est possible qu'il ne soit pas sanctionné. Hein. Ça, c'est la justice qui tranchera, mais il est possible qu'il a avoué, c'est noble, c'est bien, ça le pardonne un peu, Laurence ? En même temps, je pense qu'il n'avait pas trop le choix, puisque Aurès avait mis en place une surveillance. Donc, à mon avis, il a dû être filmé ou autre durant ses agissements. Donc, effectivement, c'est difficile de dire « c'est pas moi » si on est filmé, si on est filmé en train de le faire. Oui, effectivement. Maintenant, moi, ce qui me tue quand même au niveau de l'explication de ce monsieur, c'est de dire bah, « les techniciens étaient payés pour ça ». Moi, j'ai envie de lui dire « ils sont payés pour travailler, mais ils auraient pu très bien faire autre chose que de réparer ses erreurs ». Ah oui, on lui réclame 10 000 euros de dommages, dont 7 500 pour la main d'œuvre. C'est là qu'il dit, attendez, c'est des techniciens, ils réparaient de toute façon. Un technicien viré par Aurès sabotait les cabines électriques dans les villes pour se venger. Avoir envie de se venger quand on est viré, est-ce que ça fait partie du processus classique? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Charles Michel devait présenter sa trajectoire hier à la Chambre. Il n'y avait personne. Que vous inspire cette crise crisette? Et puis, les contrôleurs à la STIP qui ne peuvent plus fermer les yeux. À chaque fois PV, est-ce qu'on devrait leur laisser une marge de manœuvre? 10h45, question qui dérange. Franck Berton et Sven Marie renoncent et ne veulent plus défendre Salah Abdeslam. Est-ce que c'est normal que des avocats renoncent parce que leur client a une position qui n'est pas la leur? Le silence en l'occurrence. Est-ce que c'est une forme d'abandon? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah, très bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille? Alors là, mais je vais vous montrer une de ses photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez-là, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Oh, il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Tiens, hier, Mme Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi, Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. C'est magique! Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Merci à vous, grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 € et vous pouvez continuer à verser sur le compte BO35, 8 x 0, 37, 37, bonsoir. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Les pépinières Saint-Jean? Mais oui, à Wonze, la plus grande pépinière en région wallonne. Ah, les spécialistes des gros sujets, des plantes exceptionnelles. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le meilleur moment pour visiter la pépinière. Les couleurs d'automne sont tout simplement magnifiques. Il paraît qu'ils réalisent le jardin de A à Z et des plantations par leurs soins avec garantie de reprise. Super, on y court. C'est évident. Les pépinières Saint-Jean. Ouvert 7 jours sur 7. Info sur pépinière-saint-jean.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec vous, avec Laurence Piret, Sud Presse, avec Déborah Laurent, 7 sur 7.be. Voyons si ce débat-ci s'impose. Charles Michel devait donc présenter sa déclaration de politique générale, sa trajectoire pour l'année, si vous voulez, hier à la Chambre. Eh ben, il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. Et la veille, on se souvient de l'épisode de Chris Peters qui avait claqué la porte en disant à 19h, je pars, je reviens, sauf qu'il n'est jamais revenu. Que vous inspire cette crise, crisette? D'abord, on va essayer de définir le bon mot, ce sera à chacun de le faire. Déborah, on est ici dans une crise qui est majeure, qui engage le gouvernement, il y a un risque que ça tombe, ou on est dans une crisette. Crise ou crisette pour vous, Déborah ? Je je dirais quand même crise, parce que c'est assez flagrant le manque d'autorité du coup dans cette histoire de Charles Michel pour moi, donc une crise. Quand une crise, ok, votre position, puis on discute. Laurence, crise ou crisette? Crise, oui. À crise, on crise y est aussi. On oui. y est franchement. Oui, après, ce n'est pas une crise majeure, mais je pense effectivement que c'est une crise et qu'il est temps que Charles Michel réaffirme son leadership dans son équipe. Alors, on a bien compris hier que l'opposition au Parlement était très fâchée. Politiquement, c'était délicat. Je pose l'avis à la citoyenne que vous êtes, Déborah. Ce gouvernement qui doit présenter sa trajectoire, qui en même temps doit présenter le budget aux Belges que nous sommes, et il ne vient pas. Hier, il n'y a ni Premier ministre, ni ministre. Il y a quelque chose d'honteux là-dedans ou pas du tout? Mais complètement. Peters, il a quitté la table. Voilà, à un moment, quand on a des choses à dire, quand on veut négocier, on s'assied autour de la table et on réagit comme un adulte, comme quelqu'un qui a des responsabilités, parce que s'il y a bien quelqu'un qui en a dans cette histoire, ben, c'est le gouvernement. Donc du coup, on s'assied et on discute. On ne va pas bouder dans son bureau en espérant que ça fasse flancher. Ça, c'est sur le dossier Peters qui est parti. On en parlait hier, d'ailleurs. Je vous amène hier à la Chambre. À la Chambre, on attend le gouvernement, ils ne viennent pas. C'est honteux, ça, ou c'est... Mais oui, parce qu'à un moment, ils peuvent venir expliquer pourquoi ils ne sont pas prêts et pourquoi ils ne s'expliquent pas. À mon sens, en tout cas, à un moment, on a des choses à expliquer, on a des devoirs à remplir, on se déplace pour expliquer ben, voilà, quel est le problème. Après, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est les problèmes étaient connus depuis longtemps et on dirait qu'ils viennent de les découvrir. C'est comme s'ils n'en avaient jamais parlé avant et que tout d'un coup, ça devait se régler dans les deux dernières heures. Là. Donc c'est ça que je ne comprends pas dans leur façon de faire. Je fais deux questions en une pour vous, Laurence. Est-ce qu'hier, il y a eu mépris de l'opposition et est-ce qu'il y a eu mépris du citoyen en ne venant pas devant la Chambre dire où on en était? Mais ce qui est clair, c'est que la Chambre, c'est nous les citoyens. Et donc ici, le fait de ne pas voir un gouvernement qui s'explique et qui explique où on en est dans les négociations, alors que historiquement, c'est toujours le deuxième mardi d'octobre où le Premier ministre vient justement expliquer le budget. Oui, il y a quelque chose de choquant là-dedans. Après, est-ce que c'est dramatique? Je ne le pense pas. On sait qu'il y a une échéance finalement qui est celle du 15 octobre pour l'Europe. Pour l'Europe, ouais. Donc on a encore quelques jours. Maintenant, moi j'aurais apprécié vraiment que ce ne soit pas Willy Borsu qui essuie les plâtres, mais que ce soit Charles Michel, courageux, Premier ministre, qui vienne expliquer voilà où on en est dans les négociations, voilà où ça coince, et voilà ce qui est déjà décidé. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de spéculer sur des soins de santé complètement bafoués, etc. Un contexte social difficile. Où est-ce qu'on en est exactement? Là, il y a débat. Déborah, est-ce que vous vouliez qu'ils viennent avec tout, qu'ils viennent avec une partie, ou quand on n'a pas, on ne vient pas? Quand on n'a rien à dire, on se tait. Qu'ils viennent, Laurence, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas le budget global, ils n'ont pas les mesures. Oui, je sais, mais moi, je trouve ça dramatique de ne pas se présenter, dramatique d'en arriver là, parce que ce gouvernement est quand même loin d'être pris au sérieux. Les gens passent leur temps à manifester contre à peu près toutes les mesures qui sont prises. Je trouve que la crise, elle existe depuis plusieurs années, depuis que le gouvernement est mis en place. Donc, à un moment, c'est dramatique parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens ont raison. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur. Non, je dis que ce n'est pas dramatique d'avoir fixé le budget hier, mais par contre, puisqu'on a encore jusqu'au 15 pour le présenter, mais effectivement, justement, par contre, si la date est connue, le fait de ne pas être prêt, c'est dramatique. Il y a cette phrase, hein, quand on n'a pas d'accord sur tout, on a d'accord sur rien. On demande un avis à Mons. Annick, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Donc Charles Michel veut présenter sa trajectoire hier à la Chambre. Il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. Et la veille, c'est Chris Peters qui avait claqué la porte. Que vous inspire d'abord les mots? Pour vous, on est dans une crise ou dans une crisette? Pour moi, c'est une crise et c'est très grave parce que nous sommes gouvernés par des fantoches complètement irresponsables. Ce sont des gens qui se présentent pour gouverner un pays. Et à la moindre difficulté, ils ne viennent pas. Oui, mais on attend d'eux, attendez, Annick, on attend d'eux le détail. Ces 4,2 milliards, ça passe par quelle taxe, par quelle réforme? S'ils n'ont pas le fin mot de l'affaire, à quoi ça sert de venir hier? S'ils n'ont pas le fin mot? Mais ils doivent se réunir, ils doivent avancer dans le projet. Nous sommes dans une crise très grave. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de gens qui vivent maintenant avec le minimum vital. Évidemment, quand on a un salaire de ministre, une voiture de fonction, etc., etc., je pense qu'on ne se rend plus compte du tout des réalités du nombre de gens qui sont avec un minimex au chômage, de gens qui vivent avec une petite pension, des gens qui sont malades et qui ne savent pas se soigner. Mais donc, Annick, vous êtes impatiente d'entendre ce qui semblerait être sur certains points des mauvaises nouvelles, parce qu'ils ne vont pas distribuer des cadeaux financiers. Vous êtes impatiente d'entendre les mauvaises nouvelles supposées. Écoutez, Benjamin, des mauvaises nouvelles, nous sommes en crise, il va falloir faire face, on paie les erreurs du passé, mais le passé, c'est le passé.

on vient d'actualiser le matériel. Quand le contrôleur est face à un fraudeur, avant le contrôleur pouvait dire « je ferme les yeux, madame ou monsieur, je ferme les yeux ». Et bien maintenant, à cause du matériel, il ne peut plus. Si infraction il y a, PV il y a. D'où la question, Déborah. Est-ce qu'il faut laisser une marge de manœuvre à un contrôleur? Le laisser apprécier ou c'est tolérance zéro? S'il y a fraude, il y a fraude. Il faut le laisser apprécier, on n'est pas des robots. Mais une fraude, c'est une fraude, hein ? Oui, mais parfois, face à nous, on a quelqu'un qui est monté rapidement, qui n'a pas oblitéré son ticket, qui a pourtant un ticket tout à fait valable, qui n'a juste pas eu le temps au moment d'être contrôlé. À un moment, on n'est pas des robots, le contrôleur a le droit de réfléchir, d'utiliser son cerveau et de se dire, dans ce cas-ci, c'est moins grave que quelqu'un qui a délibérément sauté les barrières pour ne pas payer. Ça vous gêne, ça, Laurence, que la machine maintenant prenne le pas sur l'homme ? La machine contrôle le titre de transport, ça n'a pas été validé. L'idée, point sonné, peu importe. Fraude, fraude, fraude, la machine avant l'homme. Non, ça ne me gêne pas spécialement parce qu'en fait, donc effectivement, ce principe permet au moins de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Effectivement, un fraudeur égale un fraudeur. Donc ça, c'est, pour moi, c'est positif. Et après, sur base du PV, qui n'est pas encore l'amende, le contrôleur a la possibilité de mettre l'explication qui est avancée par le fraudeur. Effectivement, je n'ai pas eu le temps d'oblitérer mon ticket. Je ne me suis pas rendu compte. Hein, quand je conteste le PV de la police, ça a un peu d'impact. Oui, sans doute. Mais bon, en même temps, qui dit que les explications qui étaient fournies au contrôleur par le fraudeur qui voulait échapper au PV étaient la vérité aussi. Donc voilà. Mais la tolérance de l'un, Déborah, c'est pas la tolérance de l'autre. Vous qui voulez laisser un peu de pouvoir au contrôleur, ce sera à l'appréciation de chacun, c'est au cas par cas, c'est à la tête du client. On est dans l'arbitraire total. Non, il ne faut pas que ça soit à la tête du client, mais il faut que ça soit au cas par cas. C'est quand même pas la même chose. Moi, ce qui me gêne en fait dans cette histoire, c'est que dans l'article, je pense de la DH, c'est la dernière édition bruxelloise qui raconte ça ce matin. Il y avait aussi une petite note qui disait que les employés avaient reçu un message leur disant de mettre dehors les sans-abri s'ils n'avaient pas un titre de transport valable. Enfin, à un moment là, je trouve qu'on est dans un monde assez horrible. Ces gens n'ont pas de maison. C'est un courrier du 6 octobre dernier qui rappelle notamment aux employés et aux contrôleurs qu'ils sont liés par un serment. Et le serment, c'est d'être au service de l'entreprise. Voilà, ben moi, quand j'entends ça, je me dis qu'effectivement, la seule... on est juste en train de leur demander de faire du chiffre et de faire rentrer de l'argent. Voilà. Donc à un moment, oui, il faut du cas par cas. Il faut laisser un sans-abri passer la nuit sous un toit. Voilà. Même s'il n'a pas de confort, sous un toit. Il faut laisser quelqu'un qui vient de monter, qui vient de se prendre une drache sur la tronche et qui monte dans le tram, qui se fait contrôler à ce moment-là, qui n'a juste pas encore eu le temps d'oblitérer. Il faut pouvoir lui dire, bon ben ok, on a vu, vous avez acheté votre ticket, il est valable, ok, c'est bon pour cette fois, quoi. Par rapport à ce serment alors, Laurence, un contrôleur qui apprécierait, parce que ma petite dame, je vois bien que vous avez du mal aujourd'hui, qui apprécierait, il trahit le serment et donc le contrat avec son entreprise ? Non, je pense qu'il ne trahit pas et à mon avis, il y a encore une certaine marge de manœuvre. Comment est-ce qu'on va aller contrôler quelqu'un qui n'a pas de ticket ? On contrôle un ticket pour voir s'il est valable ou pas, mais on ne sait pas contrôler un ticket qui n'existe pas. Donc à ce moment-là, je ne vois pas très bien comment... à mon avis, il a encore la possibilité de ne pas dresser de PV. Ou de faire semblant qu'il ne voit pas que quelqu'un passe. Nous sommes à Ennuyères maintenant. Guy, bonjour. Bonjour. À la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser le PV au fraudeur. Est-ce qu'on doit laisser une marge de manœuvre à un contrôleur ou vous dites tolérance zéro, vous ? Non, pour moi, je pense qu'on doit laisser une marge au contrôleur. Rapprochez-vous du téléphone, Guy, je vous entends très très loin et on recommence à zéro. On laisse une marge ou pas ? Non. Excusez-moi. Ou déconnectez le kit main libre rapidement, si vous voulez bien. Reprenez le téléphone dans la main. Ce sera l'idéal pour nous et pour se plonger dans la conversation. J'ai le téléphone dans la main. Ok, alors on a un problème de son. Dites-moi rapidement, Guy, tolérance ou pas ? Tolérance. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai pris votre question en compte et bon, moi je vais parler par rapport au texte. C'était ça ma question. Guy, permettez-moi d'interrompre la conversation. Là, je rends sourd, mais j'ai vraiment du mal à vous entendre. La communication téléphone nous empêche d'aller plus loin, on peut se rappeler tout à l'heure si vous le souhaitez. Terminons donc autour de la table. Est-ce qu'on peut considérer, Déborah, qu'un contrôleur qui, de sa propre initiative, fait un petit geste, fait un geste commercial qui représente l'entreprise et qui, donc, dans le fond, est une démarche d'entreprise? Mais justement, ça représente l'entreprise. Si l'entreprise est vue comme un peu plus sympathique aux yeux des usagers, ça peut ne pas non plus leur nuire. Hein. Mais oui, c'est pas ça qui va couler la boîte. Hein. C'est pas parce que de temps en temps, il fait un petit geste sur une étudiante qui n'a pas oblitéré son ticket que ça va couler la STIB. Qui doit décider de l'image de l'entreprise, la direction ou le contrôleur sur le terrain, Laurence ? Je pense que c'est la direction, mais après, le travailleur sur le terrain est impacté par justement les décisions de son entreprise. Donc ici, c'est vrai que le risque, c'est que les contrôleurs soient vus vraiment comme des petits dictateurs qui vont... C'est eux sur le terrain, c'est ouais. Eux qui sont face à l'agressivité des gens, qui ne trouvent pas ça juste. Donc oui, ils ont quand même le droit de juger. Faites-vous un avis. Déborah Laurent, Laurence Piret, bonne journée mesdames. Bonne journée. Merci à tous. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063, 50 centimes par message. Un technicien viré par Aurès sabotait les cabines électriques dans les villes pour se venger. Avoir envie de se venger quand on est viré, ça fait partie du processus classique. Charles Michel devait présenter sa trajectoire hier à la Chambre et il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. La veille, c'est Chris Peters qui avait claqué la porte. Que vous inspire cette crise crisette? Et puis à la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV aux fraudeurs. Doit-on laisser une marge de manœuvre à un contrôleur où c'est tolérant zéro? 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Philippeville. Chaïla en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur ce technicien viré qui se venge. Vous, quand vous avez été viré, vous avez eu envie de vous venger? C'était un sentiment qui m'est venu, je crois que c'est un peu humain de vouloir se défendre vis-à-vis d'un C4 qu'on trouve injuste. Mais vous vouliez vous venger de quelqu'un ou de l'entreprise ou d'un chef en particulier? De la direction, oui, en particulier. Oui. J'avais un poste de contrôle de gestion. Donc ça met déjà certaines choses en lumière et des choses qui ne vont pas dans l'entreprise. Mais donc vous pensez à quoi? Vous pensez à ce moment-là, hein, je vais balancer les infos et tiens, prenez ça? C'est ce que j'ai fait, oui. Oui? Vous avez balancé quoi? À qui? À la direction supérieure, oui. Parce que nous étions une filiale belge d'une société française et je me suis adressée directement en France. Ça fait du bien de se venger? Je ne peux pas dire que c'était une vengeance, parce que c'était pour moi quelque chose de juste, ce que je faisais. Et d'ailleurs, ça s'est terminé, ils ont fermé la succursale en Belgique. Oh, c'est la deuxième fois qu'on entend qu'une boîte a fermé au bout de l'histoire. Chaïla, je vous ramène à ce technicien viré par Aurès, il ne supporte pas, il s'en va saboter les cabines électriques, parce qu'il a le même sentiment au début peut-être d'injustice. Ça peut être une circonstance atténuante ou pas? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut, être sensé. Et dans ces cas-là, je pense que c'est vrai qu'avoir un C4, c'est assez violent et on n'est pas paré à ça. Pourquoi vous pouvez balancer que lui, il ne peut pas saboter les cabines électriques? Mais je n'ai rien saboté. Je n'ai pas eu atteint au personnel ou à des gens tiers de mon entreprise. L'homme, dans le cas qui nous occupe, a avoué, Chaïla. Quand on avoue un sabotage et donc une volonté de vengeance, est-ce que c'est une circonstance atténuante qui doit atténuer la peine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Circonstance atténuante qui atténue la peine, non, dites-vous. Chaïla, vous avez dénoncé, vous, à la direction qui était juste au-dessus. Le RTBF Mobile Info, maintenant, Stéphane. Un camion était en panne sur le 42 tourné Lille à hauteur de Blandin. La chaussée est dégagée, mais il y a encore 4 km de fil et les automobilistes perdent 40 minutes, mais les fils vont se résorber. Donc patience si vous êtes concerné par cet embouteillage. Pour rejoindre la capitale, une vingtaine de minutes supplémentaires sur le 40 qui vient de Gand, sur le 40 qui vient de Liège, ainsi que sur le 411 qui vient de Namur. On ajoute encore un quart d'heure sur le 19 qui vient d'Anvers entre Malines et Macquelen, où un camion d'ailleurs est en panne à hauteur de Malines en direction de la capitale. Attention, une poutre en métal est sur la voie de gauche. Soyez prudents si vous passez par là. Et puis toujours cet accident en cours sur le ring de la capitale en circulation intérieure à hauteur de Ittre. La bande de droite est toujours obstruée vers Nivelles. 15 minutes supplémentaires entre le carrefour Léonard et Ittre. Ailleurs sur le ring, vous ralentissez entre Ittre et le carrefour Léonard. Une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure et en circulation intérieure. C'est entre Grand Bigard et Zaventem que vous perdez le plus de temps. 20 minutes supplémentaires en direction donc de Zaventem. Pardon. Et puis ça ralentit dans la plupart des tunnels bruxellois et particulièrement ce matin dans le tunnel Autan en direction du centre. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant à XL, Thomas viendra dire s'il veut des contrôleurs dans les bus qui ferment les yeux ou des contrôleurs qui, dès qu'ils voient le fraudeur, disent amende. Dox is style. Dox is wow. Dox is fun. Dox is yum yum. Génial. Cinéma. Dox is culture. Music. Fashionista. Expo. Youpi. Dox is lingerie. Dox is comme tu es belle. Delicious. Mm. Dox is men. Woman. Kids. Me. Dox Bruxelles is you. Dès le 20 octobre, venez vivre une expérience urbaine inédite dans le tout nouveau shopping district de Bruxelles au Pont Van Praat. Venez découvrir Dox Bruxelles. Ouvert le dimanche 23 octobre. Plus d'infos sur doxbruxelles.be. Stressless invente le confort d'avoir le choix. Jusqu'au 6 novembre, Stressless vous offre moins 20% au choix sur la collection de fauteuils dans tous les coloris de cuir. Et le choix de nouvelles options de confort. Plus d'informations chez votre revendeur ou sur stressless.be. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Cuisine Créfelle. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire ? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année ? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Compresse. Compresse. Scalpel. Scalpel. Aspiration. Tronçonneuse. Ne confondez plus vos séries médicales et vos films d'horreur. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus claire. Ciné-Télé-Revue. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, Charles Michel devait présenter sa trajectoire hier à la Chambre et il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. La veille, c'est Chris Peters qui avait claqué la porte. Que vous inspire cette crise crisette à ce propos ? Et à ce propos, j'ai eu Manu de Kane. Pour lui, c'est une crisette. Le gouvernement fait son maximum pour relever la Belgique. Et ce qui dérange, c'est qu'il y ait des flamands au gouvernement. C'est pour ça que les Wallons soulignent l'absence de Charles Michel à la Chambre. En vérité, nous dit Manu, le premier rattrape les erreurs du PS. C'est à cause d'eux que le gouvernement rame pour le budget. Laissons nos ministres faire leur travail. S'ils ne sont pas présents dans l'hémicycle, c'est qu'ils ont une bonne raison, nous dit Manu ce matin. XL est en ligne. Thomas, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. À la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. On a changé le logiciel. Maintenant, dès qu'il y a fraudeur, il y a PV. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent on doit laisser une marge de manœuvre aux contrôleurs ? Oui, alors il faut absolument laisser une marge de manœuvre aux contrôleurs, parce que ici je trouve que la STIB ne manque pas de culot de dire bah oui voilà zéro tolérance. Pour dire ça, il faut qu'ils aient un service irréprochable. Et vous dites ça pour échapper à la fraude ? Quel est l'intérêt de laisser une marge de manœuvre à un contrôleur ? Si on a quelqu'un qui n'a pas un ticket en ordre, il n'y a pas de ticket en ordre. C'est un fait. Oui, mais ici ce qu'il y a, c'est que leur machine pour recharger les tickets, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas à tous les arrêts. Des fois, il faut marcher au moins un kilomètre avant de pouvoir trouver une machine qui fonctionne. Parce que s'il y a des machines aux arrêts, elles ne fonctionnent pas toutes non plus. Et en plus de ça, dans le métro, donc ici normalement on paye 1,40€ pour son trajet, mais si on achète le ticket dans le bus ou dans le tram, c'est 2,50€. Ce qui fait 5€ l'aller-retour, c'est quand même abusé aussi. D'autant plus que quand il y a des retards, on passe l'heure à l'heure suivante et donc il faut repayer un trajet pour faire son aller-retour. Mais le patron, comment il fait ? Si le patron il dit à chacun de ses contrôleurs, ça peut être le cas au TEC, à la SNCB ou à la STIB, hein, s'il dit à chacun de ses contrôleurs, contrôlez en fonction de votre feeling, c'est le chaos. Il n'y a pas de règle unique, c'est au cas par cas, c'est l'arbitraire. Non, ça dépend de l'explication de la personne. Chacun peut avoir un souci. Ça m'est déjà arrivé de monter dans le bus et de mettre ma carte. Et ma carte, ben oui, la machine soit ne prend pas, soit je suis arrivé à zéro et je ne l'avais pas remarqué. Et puis, ben, le temps d'aller voir le chauffeur, vous verriez le nombre de gens qu'il y a dans le bus. aux heures de pointe, c'est même impossible d'atteindre avec sa main la machine pour pointer sa carte. Ben vous contesterez. Après, on a entendu Laurence dire ça. Laissez-vous dresser PV, puis vous contesterez après. Mais le contrôleur, il est là pour dire, vous êtes en infraction. Mais contester après, ça marche jamais. Et puis bon, il faut aller jusque-là, il faut repayer un ticket. Donc c'est vraiment abusé. Quand on voit maintenant la hausse des prix, etc., 5 euros aller-retour, ça fait un repas, quoi. Donc contester, ça coûte de l'argent en plus. Vous voulez une marge de manœuvre absolument, Thomas. Et c'est pas pour des mauvaises raisons, c'est pour des bonnes raisons. On verra si la conversation s'impose. Si vous souhaitez, dans les trains, dans les techs, à la STIB, que ces contrôleurs aient une marge de manœuvre. Vous avez dit oui. La Bruyère nous appelle. Louis, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Charles Michel devait être à la Chambre hier pour présenter la trajectoire. Il n'y avait personne, pas un ministre. À ça, on ajoute Chris Peters qui claque la porte la veille. Que vous inspire cette crise ou crisette? D'ailleurs, c'est quoi? Crise ou crisette? Je pense que c'est plutôt une crisette, mais je ne sais même pas si c'est une crisette au sein du gouvernement. Je pense que c'est plutôt une crise profonde dans le CDNV parce que je pense que d'abord, pour en revenir à Chris Peters qui est parti, je pense que c'est plutôt un coup médiatique pour son parti, car il ne faut pas oublier qu'il y a de nouveaux sondages qui sont sortis en Flandre, où le CDNV perd énormément de plumes, et ces voix-là vont aux socialistes et au SPA. Oui, mais moi, on me dit que les citoyens attendaient un budget, que ça fait 3 mois qu'on savait qu'il y avait réunion hier à la Chambre, tout le monde attend ce budget, le citoyen veut savoir. Laurence a dit tout à l'heure, on s'est moqué du citoyen. Oui, mais il ne faut pas oublier déjà qu'il y a eu cette crise, donc ils ont perdu beaucoup de temps avec Peters, qui a dû montrer à son aile gauche de son parti qu'il était plus à gauche, parce qu'il représente l'aile gauche du gouvernement. Et également, vous oubliez de dire que Charles Michel aussi avait envoyé une lettre au Parlement pour prévenir qu'il ne serait pas présent. Ah oui, là, il a envoyé une lettre lue par le président de la Chambre pour dire « je viendrai voilà, en gros quand ce sera fait ». Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est un exercice très difficile. Le budget 4,2 milliards, c'est énorme à trouver. Et je pense qu'ils n'ont pas pris en compte que ça allait prendre autant de temps. Donc moi, je trouve ça normal qu'il n'y avait pas de ministre présent. Parce mais hier, toute l'opposition l'a dit. Ça fait 3 mois qu'on sait que ça doit être ce jour-là. Donc, puisque vous le saviez, vous pouviez un peu anticiper vos négociations, vos réunions, il y avait une deadline. Vous ne respectez pas la deadline qui était connue depuis... Oh, belle lurette. Oui, mais ce n'est pas inédit dans l'histoire de la Belgique. Il y a déjà eu à de multiples reprises des premiers ministres qui ont retardé la rentrée budgétaire. Et il ne faut pas oublier que le trou de 4,2 milliards, ça a été... détecté entre guillemets il n'y a pas si longtemps que ça et que ça a été une surprise pour tout le monde. 22-23 septembre, si ma mémoire est bonne, c'est la communication publique. Louis, vous voulez savoir ou vous voulez pas savoir le budget? Je veux savoir, mais de toute façon, tant qu'on ne dépasse pas moi, je trouve que ce qui est important à respecter dans la deadline, c'est surtout celle de l'Europe, où on doit rendre le budget pour l'Union européenne. Mais ici, comme j'ai dit, ce n'est pas inédit dans l'histoire de la Belgique qu'on exportait... Il y avait deux deadlines. Il y a donc ce deuxième mardi d'octobre, c'est la déclaration de politique générale, et ici, on attendait d'autant plus le budget. Et effectivement, l'Europe qui nous dit, vous allez jusqu'au 15. Donc si ça vient le 15, c'est encore bon. Louis, à la Bruyère. On marque une pause, et dans un instant, à Namur, Karine viendra nous dire si un technicien viré par Aurès a bien fait de se venger en allant saboter des cabines. Est-ce que c'est le processus normal? En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. En Belgique, on peut être fier. Fier de nos bières. Fier de notre bon chocolat. Fier de nos frites. Andalous ou samouraï? Mais surtout, fier de notre électricité verte produite en Belgique. Optez pour le 100% belge, 100% vert, avec le tarif fixe Big Green de Luminus. Et découvrez comment, ensemble, nous allons rendre la Belgique fière d'être plus verte sur luminus.be. Luminus, ensemble, faisons la différence. Le plus impatient des réseaux présents... Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi, dis. Vous avez entendu parler de Monde Positif? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Vivacité présente... La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la Lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté... Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Expert Litry, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Litry, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Litry à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Gembloux et sur expertlitry.be. En octobre, Expert Litry vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Et au 0-70-233-466 sur la table, Zoé à la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV au fraudeur. Est-ce qu'on doit laisser une marge de manœuvre à un contrôleur ou c'est tolérance zéro? Et pour Jennifer de Philippeville, il faut tout simplement accorder la tolérance zéro, c'est-à-dire pas de marge pour les contrôleurs. Jennifer s'explique, elle était dans le bus, habillée plutôt bien pour une jeune fille avec des petits talons hauts, un petit jean, un peu bourgeoise, m'a-t-elle confié. Et elle s'est fait contrôler, elle ne trouvait plus son ticket, elle était de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment payé son ticket, mais le contrôleur ne lui a pas mis d'amende. Par contre, il y avait quelques jeunes en jogging, quelques pas plus loin dans le bus, et eux se seront fait contrôler, ils ont eu une amende, alors qu'eux aussi ne trouvaient pas leur ticket. Elle trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas photo, qu'il faut appliquer la tolérance zéro, la justice doit être la même pour tous. C'est vous qui le dites maintenant à Namur. Karine, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Ce technicien est viré par Aurès. Il entame un parcours de sabotage de cabines électriques dans les villes. Avoir envie de se venger, vous trouvez que c'est le processus classique quand on vient d'être viré, c'est normal même? Non Benjamin, non, c'est vraiment pas normal ça. Vous avez déjà été licencié? Vous dites? Vous avez déjà été licencié? Moi j'ai été licencié Benjamin, oui. Et je vous assure que c'est vrai que j'avais la rage, hein. Mais il faut travailler intelligemment et faire passer la justice et faire passer l'immédiat pour montrer qu'on a raison dans son histoire. Vous aviez la rage, comprenez-moi. Vous aviez la rage simplement d'avoir été licencié ou vous aviez la rage des raisons qui justifiaient le licenciement? Vous dites, pardon, j'ai pas bien compris. Vous aviez la rage simplement d'avoir été viré ou vous aviez la rage des raisons pour lesquelles on vous a viré? J'avais la rage pour les raisons dont on m'a viré. Il n'y avait aucune raison. Mais ici, voilà, peut-être, c'est ça hein, que le tribunal doit examiner. Voilà un homme qui peut-être perd les repères. On m'a viré pour des raisons que j'estime mauvaises. Je vais me venger. Je vais vous faire le mal non, que non. Vous m'avez fait. Non, non, non, Benjamin, ce n'est pas une solution de toute façon, quoi. Non, non. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre, alors? Il faut faire travailler la justice et puis c'est toi. C'est tout. C'était le seul moyen. Il faut montrer ses droits. Il n'y a rien à faire, il faut se battre jusqu'au bout, Benjamin. Donnez-moi un avis, cet homme ici ne voit pas la gravité. Il dit, oh, vous me réclamez des dommages et intérêts pour la main-d'œuvre, mais de toute façon, les techniciens d'Aurès, ils sont payés pour réparer des cabines. Donc, qui répare mon sabotage ou un autre, c'est quand même de la réparation. Oui, d'accord, ça donne du travail à l'autre, en attendant, ben, le problème est là, hein. C'est pas ça qui change, hein, Benjamin. Est-ce que Aurès a fait une faute? Il est vraiment... Excusez-moi le terme, mais il est vraiment ridicule, quoi. Aurès a fait une faute, on lui a laissé des codes, on lui a laissé des clés d'accès à des cabines électriques. C'est ridicule, ridicule. Ça, je comprends pas. C'est le point d'interrogation. Est-ce qu'il y a eu faute ou pas? L'avocat de la défense de ce monsieur utilise ça. Hein, jugement le 7 novembre au tribunal correctionnel. Allons maintenant à Arlon. Olivier, bonjour. Bonjour, Benjamin. Hier, Charles Michel devait présenter sa trajectoire. Il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. Que vous inspire cette crise, crisette? Clairement, comme je l'ai expliqué, une crisette, mais un peu, oui, maladroite, une maladroite crisette. Est-ce que vous êtes impatient de connaître le détail de ce budget et potentiellement des réformes, ou tant qu'il n'y a pas, vous êtes bien tranquille? Non, non, on est impatient de connaître les réformes et on est tous concernés. Mais mon appel, c'est plutôt un coup de gueule face à l'opposition qui détricote tout ce qui peut être fait. J'ai un peu l'impression d'être dans une fable de La Fontaine, qui est la chef de M. Seguin. On crie au loup à tout ce qui se passe et on masque tout ce qu'il y a derrière. Ah ben hier, on n'était pas sur le fond. Vous l'avez vu, on était sur l'agenda. Le rendez-vous, il était connu. Et ils ne sont pas venus, c'est ce qu'ils ont dit. 3 mois qu'on le sait, vous n'êtes pas là. Olivier, on ira peut-être plus loin tout à l'heure, mais j'entends que vous êtes un impatient du budget. Quelle conversation? Voyons ça après les infos. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Et voilà, et c'est encore moins évidemment puisqu'il n'a pas été gagné. Les blagues idiotes. Alors, pourquoi Michael ouvre-t-il la porte? Parce que Jackson, excellent. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah, et là, si vous gagnez le jackpot, ben j'arrête, je l'ai promis. Merci loto. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Oui, bonjour monsieur, il paraît que vous avez une Golf All-Star bien équipée à partir de 14 990 euros. Bien équipée? Ah non, c'est une erreur. Comment c'est une erreur? Mais c'est avec les jantes en alliage, les vitres teintées, le volant en cuir. Ah oui, vous voulez dire la Golf All-Star super équipée? Oui, super équipée, mais pardon. Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que la dernière tendance smartphone à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Dans ce cas, le flash. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On l'a appris il y a quelques minutes, l'homme politique Georges Désir est décédé. Il avait 91 ans. Georges Désir a été le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert pendant 30 ans jusqu'à 2006. Mais vous le connaissiez aussi comme présentateur de Visa pour le Monde, célèbre jeu télé de la RTBF diffusé dans les années 70. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Le Belge Sven Marie et le Français Franck Berton renoncent. Ils ne veulent plus défendre le seul survivant du commando des attentats de Paris. C'était en novembre dernier. Les deux avocats abandonnent parce qu'ils sont convaincus qu'il ne parlera jamais. Sven Marie et Franck Berton s'en prennent aux autorités françaises. Selon eux, c'est à cause de la vidéosurveillance 24 heures sur 24 que Salah Abdeslam s'est muré dans le silence depuis son arrivée en France. Les ministres du gouvernement fédéral se retrouvent ce matin pour discuter du budget. Toujours aucun accord au sein de la majorité. Des nouvelles rencontres sont prévues aujourd'hui au programme des bilatérales. Comprenez des tête-à-tête entre le Premier ministre et les différents partis de la majorité. En sport, David Goffin poursuit son beau parcours au tournoi de tennis de Shanghai en Chine. Le Belge s'est qualifié ce matin pour les huitièmes de finale en battant le Français Benoît Paire. Victoire en 2-7, 6-1, 7-6. Au prochain tour, David Goffin affrontera un autre Français, Gaël Monfils, huitième joueur mondial. Vous avez joué à l'Euromillion hier soir, alors filez, vérifiez votre ticket puisque c'est un Belge qui a remporté le jackpot, montant record pour la Belgique, 168 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 168 millions et des poussières. On ne sait pas encore où le ticket a été validé. La météo ce matin, c'est couvert avec de la bruine. Les éclaircies ne reviendront qu'en fin de journée. Il fera particulièrement frais aussi, pas plus de 8 à 12 degrés aujourd'hui. RTBF Mobile Info, comment ça roule ce matin sur les routes, Stéphane Piedboeuf? Eh bien écoutez, même si la chaussée est dégagée autour de Blandin sur le 42 tournée Lille, des files persistent sur 9 km et 30 minutes supplémentaires sont nécessaires en direction de la France. C'est dans le chantier que ce camion était en panne. On vient d'apprendre à l'instant l'arrivée d'un accident malheureusement sur le 411 Namur-Bruxelles entre Overijse et Jésus-Zeik. Les voies de gauche et centrale sont neutralisées en direction de Bruxelles. Soyez prudents. Alors pour le moment, vous perdez perdez une dizaine de minutes en direction du Carrefour Léonard, mais évidemment ce temps de parcours pourrait très rapidement s'amplifier. 10 minutes supplémentaires également sont nécessaires sur le 40 en venant de Liège entre Berthem et Woluwe-Saint-Étienne, et on ajoute encore 10 minutes de retard sur le 19 qui vient d'Anvers entre Zemst et Mackelen. Accident toujours en cours sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Wemmel. La bande de gauche est toujours neutralisée vers Grand Bigard. Une dizaine de minutes supplémentaires sont nécessaires pour passer cet accident. Et puis ailleurs sur le ring, ça ralentit entre Ittre et le Carrefour Léonard en circulation extérieure. On ajoute 15 minutes. 15 minutes supplémentaires également entre Grand Bigard et Zaventem pour la circulation intérieure. Ça ralentit toujours dans la plupart des tunnels bruxellois, notamment dans le tunnel Porte de Halle ou encore du tunnel Louise en direction de la Basilique. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé. C'est vous qui le dites, deuxième partie avec Benjamin Maréchal. Sébastien Pierret et la rédac qui revient à 11h. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, notre rendez-vous question qui dérange. Franck Berton et Sven Marie renoncent. Ils ne veulent plus défendre Salah Abdeslam. D'où la question qui dérange de ce matin. Est-ce que c'est normal que des avocats renoncent parce que leur client a une position qui n'est pas la leur, en l'occurrence le silence? Est-ce que ce n'est pas une forme d'abandon dans un système où on a dit que tout le monde avait le droit d'être défendu? Vous savez que pour l'instant, à chaque passage devant le juge d'instruction français, Salah Abdeslam se tait. Commentaire de Franck Berton, c'est l'avocat français, le fameux Lillois. « Je ne veux plus être l'avocat de quelqu'un qui a décidé de ne pas se défendre. » Oui, mais tout le monde a le droit à une défense. Est-ce qu'on est là face à un cas d'abandon? Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, eh bien, on va évidemment tenter de joindre Sven Marie, l'avocat belge de Salah Abdeslam. S'il n'est pas disponible, on pourra toujours se tourner du côté de l'Ordre des barreaux francophones de Belgique ou encore vers un professeur de droit pénal. Vous avez dans ce dossier un éclairage parce que vous avez une vision de ce que doit être la défense d'un homme qui se tait, parce que vous avez une vision du travail des avocats. Laisser un éclairage à Zoé au standard. Le problème pour Cyril Denepré, c'est que le silence de Salah Abdeslam est révélateur d'un non-regret. Dans ce cadre, elle comprend la décision de Franck Berton et de Sven Marie. Ils font bien d'abandonner la défense. Franck Berton, Sven Marie renoncent. Ils ne veulent plus défendre Salah Abdeslam. La question qui dérange tout à l'heure, est-ce que c'est une forme d'abandon? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Un technicien viré par Aurès sabotait les cabines électriques dans les villes pour se venger. Avoir une envie de se venger quand on est viré, est-ce que ça fait partie du processus classique? Charles Michel devait présenter sa trajectoire hier à la Chambre. Il n'y avait personne, pas un membre du gouvernement. Et la veille, c'est Chris Peters qui avait claqué la porte. Que vous inspire cette crise crisette? Et puis à la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV aux fraudeurs. Doit-on laisser une marge de manœuvre à un contrôleur ou c'est tolérance zéro? Trois débats. Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur les contrôles. À la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV aux fraudeurs. Doit-on laisser une marge de manœuvre à un contrôleur? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Jusqu'ici, donc, face à un fraudeur, les contrôleurs de la STIB pouvaient décider de ne pas faire de PV. Ils ne pourront plus le faire, puisque la direction vient en fait de modifier le logiciel qui est utilisé dans la tablette qui contrôle les titres de transport. La tablette contrôle, avant, en quelque sorte, le contrôleur pouvait approuver la fraude, et bien maintenant, il n'a plus de choix. Si la machine dit fraude, alors il y a fraude et il y a PV automatiquement. Ce qui veut dire qu'un passager qui a un abonnement mensuel mais qui ne l'a pas validé, eh bien, sera sanctionné aussi comme les autres. Il n'y a plus aucun pouvoir discrétionnaire. Dans la dernière heure de ce matin, certains travailleurs anonymes dénoncent la volonté de faire du chiffre. On apprend que dans un courrier du 6 octobre, la direction a rappelé au personnel qu'il était lié par un serment. Et le serment, ce n'est pas de fermer les yeux quand ça arrange. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je trouve que la STIB ne manque pas de culot de dire bah oui, voilà, zéro tolérance. Pour dire ça, il faut qu'ils aient un service irréprochable. Ici, ce qu'il y a, c'est que leur machine pour recharger les tickets, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas à tous les arrêts. Des fois, il faut marcher au moins un kilomètre avant de pouvoir trouver une machine qui fonctionne. Parce que s'il y a des machines aux arrêts, elles ne fonctionnent pas toutes non plus. Et en plus de ça, si on achète le ticket dans le bus ou dans le tram, c'est 2,50€. Ce qui fait 5 euros l'aller-retour, c'est quand même abusé aussi. D'autant plus que quand il y a des retards, on passe l'heure à l'heure suivante, et donc il faut repayer un trajet pour faire son aller-retour. Vous avez choisi cette conversation, elle concerne donc les techs, elle concerne Delaine, elle concerne la SNCB, elle concerne la STIB. Doit-on laisser une marge de manœuvre à un contrôleur où c'est tolérance zéro? S'il y a fraude, il y a fraude et il y a PV. 070-233-466 par SMS au 3063 à Anderlu. Annette, dans quelques instants, en pensant aux techs, viendra nous dire si le contrôleur peut fermer les yeux et dire « Allez-y madame, je vous en prie ». C'est juste après la pub. C'est vous qui le dites. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. Mais 1765, l'impératrice Marie-Thérèse décrète le démantèlement de toutes les brasseries seigneuriales pour une ville à faire de privilèges. Joseph Dubuisson, brasseur pour le seigneur, perd son moyen de subsistance. Impératrice ou pas, nous les petits, on brassera. Joseph fait un pied de nez à l'autorité et construit une brasserie à la limite des terres seigneuriales, juste en face de l'ancienne. Oh, une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche, on sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Le nouveau lave-linge d'AEG, équipé de la technologie Ecomix, mélange d'abord votre détergent et votre adoucissant avec de l'eau pour laver et protéger chaque fibre. Recevez maintenant un bon cadeau de 100€ chez Ici Paris XL à l'achat d'un lave-linge AEG. Chez O'Green, c'est samedi et dimanche, c'est la fête des fruits. Vous pourrez goûter des fruits, des jus, des confitures artisanales. Nos experts vous donneront des conseils plantation. Pour un arbre fruitier acheté, on vous offre un framboisier. Et il y a plein de chèques cadeaux à gagner. Jardinerie O'Green, National 4 à Louvain-la-Neuve. O-Green.eu. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wet Sleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Vivacité et la Une présente Amadeus, une intrigue palpitante qui raconte la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus, une œuvre magistrale au succès éclatant. Au Théâtre des Galeries du 26 octobre au 20 novembre. 02 512 0407 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. À 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. À la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront systématiquement dresser un PV aux fraudeurs. La direction avait dit il y a quelque temps, n'oubliez pas votre serment. Eh bien, voici maintenant la deuxième étape. Le matériel de contrôle a été modifié, le logiciel a été contrôlé. Et quand le contrôleur, enfin quand la machine du contrôleur est face à un ticket qui n'est pas en ordre ou pas validé, il y a PV. Le contrôleur ne peut plus fermer les yeux. Est-ce que vous souhaitez que dans ce pays, les contrôleurs des tech, de Delaine, de la SNCB ou de la STIB puissent encore fermer les yeux? Ou quand il y a fraude, il y a fraude. 070-233-466 par SMS au 3063. Anderlu nous appelle. Annette, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Après, on discute, mais je voudrais votre position. Est-ce que vous souhaitez que les contrôleurs ferment les yeux ou pour vous, quand il y a fraude, il y a fraude? Quand il y a fraude, bien sûr. Mais enfin, bon, mais le ah bah alors votre fille, bon, racontez-nous ce qui lui est arrivé, parce que votre fille, elle était en fraude. Ah, ma fille n'était pas en fraude, puisqu'elle avait son abonnement, elle avait son ticket de recharge donc à la borne, parce qu'il y a une borne ici à Anderlu. Donc tous les mois, je recharge son abonnement avec la preuve de paiement. Elle le prend avec. Donc le scan ne fonctionne pas. Elle lui montre le ticket, la preuve de paiement. Et le chauffeur l'a obligé à payer 3,20€ pour son trajet Anderlu-Morlanway. Annette, que je comprenne bien. Donc elle a l'abonnement, mais elle n'a pas validé l'entrée dans le véhicule, c'est ça? Elle ne sait pas le valider puisque le scan ne fonctionne pas. Oui, mais c'est pas validé. Pas validé, c'est pas validé. Ah ben, il n'est pas validé, mais elle a quand même sa preuve de son abonnement. Elle a sa preuve que l'abonnement, il a été payé. Donc, elle est en ordre au niveau d'abonnement. Elle est en ordre puisque ça a été payé. pour le mois en question. Annette, je ne sais pas pourquoi elle doit payer. Parce que j'ai téléphoné après à la Louvière, parce qu'on fait partie de la Louvière, et ce monsieur bien gentil me dit, vous prenez le ticket, vous allez à Charleroi ou à la Louvière, vous faites rembourser les 3,20 €. C'est une blague, quoi. Je ne vais pas me taper dans des rues, Charleroi ou la Louvière. Mais donc ça prouve qu'on peut négocier après et obtenir son bon droit après coup. Oui, négocier après. Donc ça veut dire que ça n'avait pas les 3,20 € sur elle. Elle devait descendre du bus. Soit elle payait son trajet. Pourquoi dans votre cas, le chauffeur du bus n'a pas été souple? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'elle est de mauvaise humeur ou j'en sais rien. Et parce que il n'y avait pas que elle, de toute façon. Alors, dans votre cas, ça concerne les techs, Annette. Dans ce cas-ci, c'est la direction de la STIB, et c'est là que je voudrais votre avis. La direction de la STIB se dit, moi, je ne veux plus d'arbitraire au cas par cas, en fonction de l'humeur des uns et des autres. Procédons comme ceci. Si ce n'est pas en ordre, ce n'est pas en ordre. Et après, il y a des mécanismes de contestation. Ça n'a pas du sens pour une entreprise ? Si ce n'est pas en ordre, OK, d'accord. Si ce n'est pas en ordre, OK, d'accord. Mais quand ce n'est pas en ordre, il faut quand même qu'ils aient un peu plus de patience pour vérifier, justement. Parce que là, le chauffeur, il avait le ticket de preuve de paiement, il n'a même pas voulu le regarder. Ça ne scanne pas, ça ne passe pas. Donc ça veut dire que ça ne scanne pas, ça ne passe pas. Ben, soit vous payez votre trajet, soit vous descendez. Permettez-moi une question encore. Donc ce titre de transport de votre fille, il n'était pas validé, hein ? Il n'était pas validé au scan du chauffeur, mais... Il n'était pas validé. Non, mais je vous dis ça dans le cadre de ce que fait la STIB ici. C'est que la tablette, dans les mains des contrôleurs, si elle voit qu'il y a un problème, la tablette dira, là, il faut un PV. Là, on ne peut pas faire autrement, c'est systématique. Annette, une tolérance zéro, non, mais un peu de cas par cas, vous ferez plaisir. Molenbeek nous appelle. Nous sommes dans la région bruxelloise. Nadine, bonjour. Bonjour. Pareil, votre position, et puis on discute. On laisse une marge de manœuvre à un contrôleur ? Ou non, c'est de la tolérance zéro. Tolérance zéro, Sébastien, quand on arrive... Benjamin. Quand je monte sur le bus et que je vois l'arrogance avec laquelle certaines personnes, ou dans le métro, certaines personnes ne payent pas, moi, ça me met en rage parce que je me dis que je paye, primo. Mais la question n'est pas là. Je me dis que si le système... Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un système comme à Singapour où on doit revalider le billet quand on sort? Il y a l'indication des fines qui est indiquée. Et bon, mais il faut aussi que la type fasse un système de validation Nadine, impeccable. Nadine, vous êtes contrôleur. Moi, je suis monté dans ce bus. Mon enfant est malade. Je suis très stressé par mon travail. Je suis dans ce bus et parce que j'ai la tête dans la grippe du petit, oui, j'ai oublié. Je vous assure, l'arrogance de certaines personnes qui rentrent dans le bus, qui nous bousculent quand on entre dans le métro pour passer en même temps que nous, ou bien pour prendre une voie où ils ne doivent pas valider. Mais là, je ne suis pas arrogant, Nadine. Nadine. Alors, bon, moi, validation... à compréhension, d'accord. N'oublions pas que les gens qui n'ont pas les moyens ont des billets gratuits de la STIB. Donc, ce n'est pas un motif. Et même quelqu'un de la STIB m'a dit certaines personnes qui ont des billets gratuits, ils ne vont même pas chercher leur carte. Donc, pour vous, dans ce dossier, la machine passe au-dessus de l'homme. Moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Et tolérance zéro, tant mieux. La machine passe au-dessus de l'homme. Si la machine dit stop, l'homme n'a plus rien à dire. Ah ben oui, pourquoi pas. Ah ben je vous pose la question, vous me dites oui, c'est pour être bien sûr, et je le note sur mon document, la machine passe au-dessus de l'homme. Vous êtes à Molenbeek. Tubiz nous appelle. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, essayons de voir ce qu'il en est pour les trains, puisque vous prenez souvent le train. Oui, est-ce qu'un contrôleur de la SNCB doit pourvoir avoir une petite marge de manœuvre, ou on devrait, comme à la STIB, dès que la machine dit « ça va pas », PV ? Non, moi je trouve qu'il faut toujours une marge de manœuvre parce que l'humain, pour moi, prime et primera toujours. Qu'il s'agisse d'ailleurs des voyageurs comme des inspecteurs. Vous fraudez de temps en temps ? Voilà. Vous fraudez ? Non, pas pour frauder. Ah, vous avez déjà pris un train sans ticket ? Non, mais ce qui m'est arrivé, et à bien d'autres aussi, celles auxquelles j'assiste, c'est que voilà, on rentre, on n'a pas encore rempli le ticket, on a le ticket à la main, on court, voilà, ou alors on a pas de bic, on demande à un autre voyageur, vous avez un bic à me prêter, tiens, quelle date sommes-nous ? Moi, ce qui m'est arrivé, c'est de me tromper, parce que quand je fais le voyage, c'est souvent de Tubize à Liège et de Liège à Tubize, mais perturbé par des pensées, de mettre le contraire. Alors bon, là, c'est clair. Brigitte, j'entends votre distraction, mais je voudrais votre avis sur le patron. Est-ce que vous comprenez que le patron de la STIB, il demande à ses employés un peu de rigueur? Et si la rigueur n'y est pas, il passe par le matériel pour. Est-ce que ça veut dire qu'il a un manque de confiance dans son personnel, monsieur STIB? Oui, je trouve, parce qu'il faut laisser à l'être humain la marge de manœuvre de l'être humain. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Et l'arbitraire? S'il vous plaît? Et l'arbitraire? Non, je crois que si on fait confiance aussi à son personnel de l'STIB, parce que c'est ça aussi, c'est de lui dire qu'il est capable de juger. Sinon, mettons uniquement plus que des machines et plus d'êtres humains, nulle part. Vous êtes sûr que le contrôleur, il sera aussi souple avec le monsieur qu'avec la jolie jeune fille? En tout cas, je vais vous dire que moi, j'ai connu et la souplesse et le manque total de souplesse. Parce qu'il m'est arrivé de rentrer. Donc, comme quoi, l'arbitraire, ça dépend aussi de l'inspecteur. Ah ben, vous étiez peut-être dans le rôle de la jolie jeune fille, c'est ça la question. Est-ce que, en laissant une marge de manœuvre au personnel, on aura la même souplesse avec le monsieur type moi qu'avec la jolie jeune fille type vous? Brigitte, on peut éclaircir ça dans un instant au 070-233-466. Nous allons dans un instant à Linkebeek. Paul dira si marge de manœuvre ou tolérance zéro. Ne m'embobinez pas. Vous fraudez, monsieur. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique. Le week-end des 15 et 16 octobre, de 11 à 18 heures, vieux chemin de Grupon à Bure. Étienne Piron, symbole de qualité. La 2, en télé. Qu'est-ce que je fais là? Vous vous déplacez toujours plus à droite. Eh ben voilà, je fais Charles Michel. Retrouvez l'équipe du Grand Cactus, ce jeudi soir sur La 2. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, Hi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Inferno. L'humanité est le mal et Inferno le remède. La suite tant attendue de Da Vinci Code et d'Anges et Démons. Pour y assister le 18 octobre à Bruxelles ou à Liège, 0905 56 474 57 par appel. Regardez, c'est un indice. Soir Mag. Soir Mag présente Carnet de guerre. Une collection de 4 livres qui nous parle du personnage d'Hitler dans des contextes différents de ceux que l'on connaît. Pour que l'histoire ne se répète pas, cette semaine, la vie intime d'Hitler. Au prix de 5,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Et nous allons au 070-233-466. Zoé, au standard, beaucoup d'histoires qui concernent des contrôleurs humains, donc ceux qui ont osé aller au-delà du règlement. Oui, il y a Fabrice de Hoé. Fabrice avait eu un mois très difficile et il n'avait pas pu de quoi payer son bus pour se rendre chez le médecin. Quand il est descendu du bus et qu'il a eu un contrôle, il était gêné. Le contrôleur a compris et a fait semblant de trouver son ticket qui n'était autre qu'un vieux titre de transport. Fabrice a trouvé le geste noble. Il y a eu Séverine de la Calamine en déplacement sur Bruxelles. Elle a pris le métro à Schumann et lorsqu'elle est descendue à Arlois, un contrôle, comme les portiques étaient ouverts à Schumann, Séverine n'avait pas pointé son ticket alors qu'elle l'avait. Le contrôleur n'en a pas fait un plat, il a compris que ça pouvait arriver face à une machine. Aucune chance d'avoir de la compassion. Un contrôleur humain, c'est bien et ça fait du bien, nous dit Séverine. C'est un contrôleur à la STIB qui est en ligne, à Linkebeek. Paul, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et donc vous nous confirmez qu'avec votre nouvelle tablette mise à jour, vous ne pouvez plus faire « je ferme les yeux ». Vous devez mettre le PV. C'est-à-dire que, oui, effectivement, donc elle indique comme quoi il y a infraction par rapport à la clientèle. Vous, donc, vous étiez du genre à fermer les yeux de temps en temps pour les jolies jeunes filles? Non, jamais. Jamais pour BCBG. Ça, c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a jamais... Enfin, je vais dire que moi, je n'ai jamais pratiqué non plus, parce que ce n'est pas ce qu'on nous inculque en tant que contrôleur. Il ne faut pas oublier que nous sommes des agents assermentés, donc qu'on doit faire notre travail correctement. Mais est-ce qu'on peut être assermenté et intelligent? Si je reprends les histoires entendues tout à l'heure et ce matin ou par SMS, un contrôleur assermenté intelligent, c'est quelqu'un qui voit la raison de la fraude. Et parfois, ce n'est pas une volonté de frauder l'entreprise. Bien sûr, mais le problème est, c'est que nous, on doit faire un boulot, et ce boulot doit être fait correctement. Et bon, il faut avoir une certaine conscience professionnelle. On est humain, on comprend les gens, on écoute les gens et on marque les remarques que les gens nous font. Donc, et c'est à eux à se justifier par après auprès du bureau qui gère ça. Et pour Brigitte de Tubis, c'est insupportable, ça, que la machine soit au-dessus de l'être humain. Elle demande que l'être humain, votre capacité de raisonnement, Paul, votre intelligence sur le terrain, elle demande que votre intelligence passe avant la machine. Mais justement, notre intelligence, c'est de travailler avec une conscience professionnelle et de faire notre boulot correctement et de ne pas laisser passer n'importe qui sous prétexte que c'est une jolie fille ou X raison, quoi. Dans ce serment, vous jurez à la STIP de ne laisser passer personne? C'est quoi les mots qui sont utilisés? Donc, c'est un règlement du travail et puis nous devons passer pour l'assermentation devant un juge de paix et nous devons jurer fidélité aux constitutions, à la loi. Quoi. Donc, voilà. Vous voulez faire du chiffre, parce que c'est ça qu'on vous reproche. Il y a des anonymes, des collègues à vous, anonymes, qui témoignent dans la dernière heure Bruxelles de ce matin, en disant qu'en fait, on vous demande de faire du chiffre. Bah, écoutez, on fait notre boulot. Qu'il y ait du chiffre ou pas du chiffre, c'est la même chose. C'est de faire son boulot. On demande une chose, c'est de faire son boulot. Et d'ailleurs, je ne comprends pas très bien... Pourquoi certains agents, une fois de plus, étalent ça dans la presse, alors que les gens vont devoir être confrontés à des fraudeurs qui vont lire cet article, et donc ça va générer de nouveaux conflits, des nouvelles agressions, et donc... C'est des contrôleurs anonymes qui sont dans la presse ce matin, des collègues à vous, mais on n'a pas les noms. Vous n'êtes pas du genre à fermer les yeux, visiblement, Paul. Nous allons à Serein maintenant. Léonard, bonjour. Bonjour. Je vous demanderai votre position dans un instant, mais d'abord, le récit de votre belle-mère qui a fraudé à 70 ans. Elle a fraudé. Elle n'a pas fraudé. Ma belle-mère a un abonnement de pensionné, donc qui est payé à l'année. Donc ce n'est pas un ticket d'un simple trajet. Donc elle monte dans le bus, il y a un appareil, elle scanne son abonnement. Apparemment, elle n'entend pas le bip ou quoi. Elle va s'asseoir en pensant avoir bien scanné l'abonnement. Un contrôleur est monté, il prend son abonnement, il le met dans une machine, il regarde, il dit... Vous n'avez pas validé votre abonnement. Ah, infraction. Infraction. Oui, ma belle-mère dit oui, je suis passé devant la borne, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, elle n'a pas entendu le bip. Elle dit, je n'ai pas entendu, je ne sais pas. Et voilà, donc l'abonnement est payé, ce n'est pas que... Maintenant, le contrôleur fait ce travail, donc lui, il dit amende. Donc, je pense que c'était... Ah, il n'a pas fermé les yeux? Ah non, donc il y a eu une amende de 10 euros direct. Enfin, pas direct, il a donné un papier, allez payer. Donc, mon beau-père prend... Le ticket et va alors directement au bureau du TEC, vu que peut-être que le contrôleur ne peut pas passer au-dessus. Et au bureau dit, ah non, il y a eu fraude, il faut payer. Et ils ont dû payer les 10 euros. Donc ils n'ont même pas dit, ben écoutez, parce que l'abonnement... Léonard, vous pensez quoi de ce contrôleur? Donc il aurait pu fermer les yeux hein, en disant, je suis ici face à une vieille dame, je sais bien qu'elle a en plus l'abonnement. Seigneur, il aurait pu fermer les yeux, mais il ne l'a pas fait. Vous pensez quoi de ce monsieur? Ben lui, je pense, ma belle-mère s'est expliquée, il n'a rien voulu entendre. Peut-être qu'avec la machine, comme on vient de le dire, il s'est répertorié. Mais je pense qu'en allant directement au bureau des techs, eux auraient pu supprimer l'amende. Attendez, je suis encore dans le bus, moi. Ce monsieur, ce contrôleur qui met l'amende, vous lui dites « Bravo, monsieur, vous êtes un fidèle travailleur » ou vous lui dites « Sale type, tu n'as aucun cœur ». Ben... Moi, je pense qu'il n'a aucun cœur, quoi. Ah, donc c'est pas bravo, monsieur, que vous dites. Il y avait un choix et vous avez choisi. Bravo, non. Non, je le barre sur ma feuille. 070-233-466, nous sommes à Watermal Boisfort maintenant. Henk, bonjour. Bonjour, Benjamin. À la STIB, les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV au fraudeur. C'est normal, non? Oui, tout à fait d'accord. Mais moi, j'ai voulu payer, parce que je devais me rendre au centre de ville de Bruxelles. Et j'ai voulu payer avec un billet de 10. On n'a pas su me remettre. Vous deviez payer combien pour le ticket? 2,50. Bon, et au final? Je n'ai qu'un billet de 10 et on ne sait pas me remettre. Alors, proposition du conducteur, demander aux autres passagers si ça a changé, la personne qui a su changer. Finalement, il m'a dit, bon voilà, j'ai encore un billet de 5 ici, on n'avait qu'à acheter 2 tickets. Vous avez acheté 2 tickets? Ah, il fallait bien. Donc vous étiez en ordre? Ben oui. Et vous l'avez poinçonné, le ticket? Vous l'avez poinçonné, le ticket? Oui, absolument, tout était en ordre, j'ai pas eu d'amende, seulement bon... Je trouve ça aberrant que la STIB ne sait plus remettre 2,50 ou 7,50. Attendez, alors j'élargis un peu la conversation. Vous auriez voulu que le chauffeur de bus vous fasse cadeau et en vous disant « Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bah, » Écoutez, c'est quand même un petit peu aberrant. Moi, je vais dans n'importe quel magasin, je suis payé avec une carte bancaire et pas la STIB. Attendez, je n'ai pas compris. Donc, Henk, quand je vous demande si les contrôleurs doivent être rigoureux et coller tous les fraudeurs, vous me dites oui, mais dans le même temps, vous me dites que le chauffeur, lui, doit de temps en temps fermer les yeux. Non, pas du tout. Il doit me donner la possibilité de payer, il pouvait me remettre 7,50. Ah ben, il n'a pas. Ouais, mais bon, ça, c'est la faute de la STIB, hein. C'est une question d'organisation, hein. Donc on revient à notre question de base. Est-ce que le salarié d'une entreprise de transport doit avoir une petite marge de manœuvre pour apprécier au cas par cas? Je peux en concevoir, oui, que ça doit être possible. Finalement, j'aurais pu demander de me laisser voyager gratuitement, étant donné que, bon, moi je suis, je suis tout à fait d'accord de payer, mais seulement... Bon, pourquoi est-ce qu'on m'oblige à acheter 2 cartes? Ah, j'entends bien, mais donc c'est la question dans le débat de ce matin, c'est la question dans la question, Henk. Est-ce qu'un chauffeur doit apprécier et dire là, dans ce cas-là, vous passez sans titre de transport, puisqu'il n'a pas la monnaie? Ça, c'est le constat. On ne pourra pas remettre ça en cause, puisque ce sont les éléments, les paramètres que vous nous livrez. 10h30, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les appelants de ce matin, combien estime que les usagers de la STIB devraient aussi noter la STIB et lui appliquer la tolérance zéro? Et 60% pensent que si l'on a un PV à chaque fois qu'on oublie son ticket ou à chaque fois que notre ticket est périmé depuis quelques minutes, eh bien, il faut aussi appliquer la tolérance zéro auprès de la STIB. On note les transports en commun à chaque fois qu'il y a un retard de train, qu'un train est annulé, qu'un portique fonctionne mal. Et au bout d'un certain nombre de points négatifs, la STIB offre des trajets aux usagers. Après tout, c'est la moindre des choses. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. C'est toujours compliqué de rejoindre Lille ce matin, Benjamin, depuis le 42 tourné Lille à hauteur de Blandin. Un camion était en panne, la chaussée dégagée, mais c'est dans une zone de travaux et donc les fils peinent à se résorber. Toujours 9 km de ralentissement et 30 minutes supplémentaires en direction de la France. Un accident est toujours en cours sur le 400 Namur-Bruxelles, aux portes de Bruxelles d'ailleurs, entre Overijse et Jésus-Zeik. Les voies de gauche et centrale sont obstruées en direction de la capitale. Prudence, mais vous perdez moins de 10 minutes à l'image de tous les axes qui convergent vers Bruxelles. 10 minutes supplémentaires sont nécessaires pendant 10-11 minutes sur le 429 tournée Halle. Et puis sur le ring, on perd moins de 10 minutes sur l'ensemble des tronçons, tant en circulation intérieure qu'en circulation extérieure du ring de Bruxelles. Toujours quelques ralentissements dans les tunnels bruxellois, notamment dans le tunnel Stéphanie en direction de la Basilique. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat puisque Franck Berton et le Belge Sven Marie ont renoncé. C'est ça la question qui dérange. Est-ce qu'on a là une forme d'abandon? Chaque justiciable a le droit d'être défendu. Est-ce que c'est normal que des avocats renoncent parce que leur client a une position qui n'est pas la leur? J'attends un nom après la pause. Coucou, je suis une pile bouton et je me trouvais dans une montre, tic-tac. Moi, j'étais dans un appareil photo, clic-clac. Et maintenant, nous traînons au fond d'un tiroir. Oui. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bebat, car Bebat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bebat. Bebat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extra sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Merci à vous, grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 € et vous pouvez continuer à verser sur le compte VO35, 8 x 0, 37, 37, bonsoir. Avec le soutien des Lions, Télépro et la Loterie Nationale. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Vous aimez les Volkswagen ? Nous, chez Percy Motors, on les adore. Percy Motors, le service d'abord. À Wavre. Alors, père, on va chez Tante Nicole et un père, on va au ciné. Question prise de décision, t'es pas encore au point, mon amour. Bah écoute, si t'as une meilleure idée pour décider de ce qu'on fait le 16 octobre, je suis preneur. Oui, j'ai une idée. ID Châssis. Le dimanche 16 octobre, venez profiter de nos conditions spéciales journée porte ouverte chez ID Châssis à Jean-Blou. IDChassis.be. Les plus beaux ballets du monde. Le lac des cygnes, Casse-Noisette. Deux spectacles exceptionnels par le prestigieux ballet de l'Opéra National d'Ukraine à l'Ola Magna, le vendredi 2 et le samedi 3 décembre à 20h. 0900 40 850. Classical.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Le détenu le plus médiatique de France et sans doute aussi de Belgique, Salah Abdeslam, n'a plus d'avocat. Franck Berton et Sven Marie, qui sont deux pointures, renoncent, ne veulent plus le défendre. Vous savez qu'à chaque passage devant le juge d'instruction français, Salah Abdeslam se tait. Franck Berton, le Lillois, a dit « Je ne veux plus être l'avocat de quelqu'un qui a décidé de ne pas se défendre ». D'où notre question qui dérange. Est-ce que c'est normal que des avocats renoncent tout simplement parce que leur client a une position qui n'est pas la leur ? En l'occurrence, le silence, c'est ça la position de Salah Abdeslam, est-ce qu'on n'est pas là dans une forme d'abandon, dans un système, et c'est bien ça l'enjeu, où chaque justiciable a le droit d'être défendu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur, avez-vous un des avocats et un nom à nous donner ? Eh bien écoutez, à la première heure, j'ai passé un coup de fil sur le numéro de GSM de Sven Marie, l'avocat belge de Salah Abdeslam, mais son téléphone est éteint, on tombe directement sur la boîte vocale, je lui ai donc laissé un message vocal et un SMS, mais malheureusement, pas de réponse. J'ai ensuite contacté Patrick Henry, le président d'avocat.be, l'ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique, mais pas de réponse non plus. Finalement, eh bien, je me suis tournée vers le professeur de droit, vers un professeur de droit pénal et vous parlerez avec maître Denis Bosquet, avocat et professeur de droit à l'ULB. Il pourra revenir avec vous sur ce principe de droit au silence invoqué par Salah Abdeslam, ainsi que sur ce choix qu'un avocat peut poser, arrêter de défendre un client. Déjà, une précision hein, pour Denis Bosquet, cette annonce de Franck Berton et Sven Marie était prévisible. Personnellement, il ne voit pas l'intérêt de défendre quelqu'un qui ne souhaite pas être défendu, être un pot de fleurs, très peu pour lui. Vous avez une vision de la justice, vous avez une vision de la défense de quelqu'un qui a commis des faits graves. Laissez un éclairage à Zoé au standard. Le problème pour Eliane de Libramont-Chevigny, c'est que d'autres avocats vont accepter de défendre Salah Abdeslam. S'il reste dans le silence et qu'il ne cherche même pas à se défendre, qu'il reste en isolement à vie, un procès ne servira à rien, selon Eliane. C'est la question qui dérange de ce matin. Franck Berton et Zed Marie renoncent, ne veulent plus défendre Salah Abdeslam. Est-ce que c'est une forme d'abandon ? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur la STIB où les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV aux fraudeurs. Doit-on laisser une marge de manœuvre à un contrôleur ? Et la question vaut pour les techs, pour Delaine, pour la SNCB ou pour la STIB. Au 070-233-466, par SMS au 3063, entrez dans cette conversation pour avoir un avis qui compte. Nous sommes à Woluwe-Saint-Lambert. Jean, bonjour. Bonjour. Que penser d'un contrôleur qui n'est pas compréhensif, qui ne veut pas entendre que mon enfant est malade, qui ne veut pas entendre que j'étais en retard, qui ne veut pas comprendre que j'ai un problème de vie personnelle aujourd'hui ? Que penser d'un contrôleur comme celui-là ? Ben, pour moi, à partir du moment où mon abonnement est en règle, je veux dire que j'ai payé de telle date à telle date et que je suis pris et que j'ai oublié à ce moment-là de la machine, ben, je trouve que c'est du vol pur et simple. Du vol, mais on a là un contrôleur qui applique le règlement, point. Oui, mais moi j'ai payé un service de telle date à telle date. Je peux prendre l'article, le LAN ou le TEC de telle date à telle date gratuitement puisque ça a été payé. Donc tous mes trajets sont payés à partir du moment où je suis en possession de l'abonnement. Non, si je l'ai oublié à la maison, c'est une autre question. Mais je suis en possession de l'abonnement. Et la personne, comme vous dites, elle est assez âgée, elle a oublié, elle n'a pas entendu le clic parce qu'on ne l'entend pas tout le temps. Je trouve que c'est du vol pur et simple. Mais première étape, PV, c'est comme ça. Il y a un constat d'infraction. Deuxième étape, vous pouvez contester puisque vous avez des raisons valables et vous n'aurez peut-être pas l'amende, mais il faut bien que quelqu'un à la base vous la mette puisqu'il y a infraction. Mais plutôt, il y a une jeune fille qui avait son abonnement valable, qui a contesté, elle a tout de même dû payer. Donc je trouve qu'à partir du moment où on contrôle, maintenant le système de contrôle n'est peut-être pas assez suffisant pour savoir contrôler. À partir du moment où on contrôle, on prend la personne jusqu'à un boutique ou n'importe quoi, et là, il savoir de quelle date à quelle date... Jean, mettez-vous dans la peau de Monsieur Stib, du grand patron. J'ai des contrôleurs qui vont de temps en temps être souples, fermer les yeux. J'en ai qui vont jamais fermer les yeux. Moi, je sais plus gérer ça, si chacun fait comme il l'entend avec son vécu personnel. Alors, la machine dit infraction, PV, point, et comme ça, j'ai plus ce problème d'arbitraire et de libre appréciation de chacun. C'est que la machine est mal calibrée. À partir du moment où j'ai payé mon abonnement, ça veut dire qu'il est valable de telle date à telle date. Mais vous devez le valider quand vous rentrez dans le bus, dans le tram, dans le métro, c'est la règle. Oui, mais non, c'est pas la règle, c'est du vol. Puisque j'ai payé un service, pourquoi je n'ai pas droit à ce service? Mais si un contrôleur, voyant ça chez vous, ferme les yeux, qui me dit qu'il ne va pas fermer les yeux pour une petite demoiselle sympathique, au sourire enivrant? À partir du moment où l'abonnement n'est pas payé, effectivement, il y a fraude. Là, il faut payer l'amende. Donc la petite demoiselle au sourire enivrant, là, vous mettez le PV. Si son abonnement n'est pas valable, si... Non, c'est oui ou non. Est-ce qu'à la petite demoiselle au sourire enivrant, vous mettez le PV, oui ou non? Que ce soit une petite demoiselle ou que ce soit une personne de 100 ans, ça revient au même. À partir du moment où l'abonnement est valable, on ne doit pas payer. À partir du moment où l'abonnement n'est pas valable, il faut payer. Vol, avez-vous dit. C'est le mot-clé de la conversation à Woluwe Saint-Lambert. Alors à 10h40, on appelle les experts. La porte-parole de la STIB est en ligne. Françoise Ledune, bonjour. Bonjour. D'abord sur le processus, vous avez donc mis à jour le logiciel des tablettes. La machine, quand elle voit une anomalie, dit d'office PV. Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez plus confiance dans votre personnel ? Non, absolument pas, mais le rôle de l'agent est de constater l'infraction. Ce n'est pas la STIB qui le dit d'ailleurs, c'est la loi. Il y a un jugement récent d'un procureur qui le dit. Le rôle de l'agent est de constater. Ensuite, s'il y a contestation, il y a un service qui est chargé d'examiner la contestation et de voir si oui ou non la sanction doit être appliquée. On a un débat qui dépasse largement le cadre de la STIB, qui est sur le bon sens du déroulement dans l'entreprise. Vous avez donc mis ici la machine au cœur du dispositif avant la libre appréciation des hommes de terrain. Donc la machine, elle va constater si le titre de transport est valable ou n'est pas valable, ou si le titre de transport existe ou n'existe pas. Est-ce que c'était pas bon pour l'image de marque de la STIB d'avoir des gens qui, sur le terrain, disaient eux-mêmes « là c'est valide, là c'est pas, là je comprends qu'il y a eu un stress ». Est-ce que c'était pas meilleur pour l'image de l'entreprise ? Notre volonté, justement, est de garantir à tous un traitement équitable et objectif. De plus, avec une constatation pure et simple du titre valable ou non valable, ça permet d'éviter les conflits éventuels auxquels pourrait être soumis le contrôleur. Vous avez quelques collaborateurs qui anonymement témoignent dans la dernière heure édition à Bruxelles de ce matin et qui disent en fait votre volonté de faire du chiffre. Quand vous envoyez le 6 octobre un courrier disant « vous êtes lié par un serment », tout ça, c'est la preuve, disent vos collaborateurs, que vous voulez faire du chiffre sur les amendes. Vrai ou pas vrai ? Nous, ce que nous voulons, évidemment, c'est de réduire clairement la fraude. Ça, nous ne nous en cachons pas. C'est normal. Lorsque vous allez avec votre voiture faire le plein, eh bien, vous payez votre plein. Et donc, nous, notre objectif, c'est que les gens qui utilisent le transport public payent le service qu'on leur offre. Vous avez des chiffres en tête sur l'importance de la fraude dans les derniers mois à la STIB ? Alors on a un taux de fraude qui tourne autour des 5%, donc c'est inéquitable également pour les personnes qui prennent le transport public et qui payent leur service. Il n'y a pas de raison qu'eux payent leur service et que d'autres décident de ne pas le faire. Alors c'est votre parole contre celle des utilisateurs auxquels nous avons parlé ce matin, mais quand on conteste le PV, vous nous avez dit qu'il y avait un service contentieux qui examinait, quand on conteste, dans le fond, on n'a jamais raison. Cette contestation ne sert à rien. Non, non, il y a des cas où, effectivement, la contestation est prise en compte, l'excuse est prise en compte, même si il faut bien être clair et honnête. Je ne connais pas beaucoup de fraudeurs qui n'ont pas une excuse à opposer, bien entendu. Mais donc, il y a un service très sérieux qui contrôle si effectivement par exemple, je ne sais pas, la machine était en panne par exemple, et donc oui, il y a des cas où le PV n'est pas dressé. Il y a également un deuxième niveau de recours qui n'est plus alors au niveau de la cible, mais qui est au niveau de l'ombudsman, qui peut lui aussi, en deuxième recours, examiner les cas litigieux. Le médiateur, ce qui veut dire qu'il y a donc des pistes pour ceux qui s'estiment injustement PVisés, passez-moi l'expression. Vous êtes Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. Allons au 070 233466. Donc Zoé, avec le comportement de ceux et celles qui ont reçu des PV à tort, que faire dans ces cas-là? Maud de Wynne nous le dit, il faut tout simplement porter plainte auprès de la direction de la STIB directement. Il tient pour exemple son expérience personnelle. Voilà 35 ans que Maud fait régulièrement le voyage jusqu'à Liège en bus. Il a un abonnement qu'il renouvelle tous les mois. Le contrôleur ne passe strictement jamais. Loi de Murphy oblige, le seul jour en 35 ans où Maud oublie de renouveler son abonnement, le contrôleur passe. Maud a essayé de se justifier en expliquant qu'il allait faire le renouvellement de son abonnement le soir même. Le contrôleur n'a rien voulu entendre, il lui a mis un PV. Alors Maud est allé directement à la direction des techs de Liège pour se plaindre. Il est rentré dans les bureaux, il a poussé des portes et son PV ne lui a pas été attribué. Pour lui, c'est la seule solution. C'est vous qui le dites, est à Uccle. Evelyne, bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous entrez dans le métro, tous les portiques sont ouverts, vous ne pointez pas, on vous contrôle et il y a PV. Voilà. Où est le drame? Puisque vous n'avez pas pointé, c'est qu'il y a PV. Oui, mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans le pré-métro, il y avait des militaires, tout était contrôlé, enfin bon. Et donc, parce qu'il y a des militaires, vous pointez pas. Et ce jour-là, tous les portiques ouverts, personne. Je suis rentrée dans le tram. Et à l'arrêt suivant, il y avait le contrôle. Et vous avez expliqué ça au contrôleur, qu'il y avait des portiques ouverts? S'il vous plaît. Vous avez expliqué au contrôleur qu'il y avait des militaires et des portiques ouverts? Les militaires, ils n'étaient plus là. Hein. Tout était vide et tous les portiques ouverts. Donc, il a dit, mais alors vous auriez dû pointer dans le tram. Bon, j'aurais dû. Il a raison, le contrôleur, ou il n'a pas raison? Mais j'en sais rien, parce que, déjà que je ne suis pas une usagère fréquente, donc, j'ai expliqué, mais ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que la STIB fait exprès de laisser des portiques ouverts pour ramasser les gens à l'arrêt suivant. Ah, pour vous piéger. Ah, alors là, c'est une accusation importante. J'aurais aimé que Françoise Ledune soit encore parmi nous pour répondre à ça. C'est le piège, la volonté de faire du chiffre. Et Evelyne, on restera sur une accusation lourde de sens. On marque une pause et nous nous demandons dans un instant si deux avocats n'auraient pas abandonné Salah Abdeslam sur le bord du chemin. En télé sur la Une. À qui profitent les centres commerciaux? On a appauvri le centre-ville, on a enrichi les centres commerciaux. Outre commerce sur Internet, le paradis des bonnes affaires. Il suffit de cliquer. Centres commerciaux, la folie des grandeurs et achats en ligne, arnaques ou bonnes affaires. Question à la Une, ce mercredi sur la Une. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h, Servivacité. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue, 736 74 36. C'est magique! Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Et voilà, et c'est encore moins évidemment puisqu'il n'a pas été gagné. Les blagues idiotes, alors pourquoi Michael ouvre-t-il la porte? Parce que Jackson, excellent. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah, et là, si vous gagnez le jackpot, j'arrête, je l'ai promis. Merci loto. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Leçon numéro 13 du Kamasutra. Regardez attentivement le label énergétique pour choisir votre nouvelle chaudière. Il vous dévoile si elle est économe. Avec un label A, vous faites du bien à l'environnement et à votre consommation. Le mazout, c'est la chaleur idéale. Et grâce au label énergétique, il est maintenant encore plus facile de choisir une chaudière super économe. Plus d'infos sur infomazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Franck Berton et Sven Marie renoncent et ne veulent plus défendre Salah Abdeslam. Est-ce que c'est une forme d'abandon? Est-ce que c'est normal que des avocats renoncent à défendre leur client parce qu'il a une position qui n'est pas la leur? On interpelle un spécialiste et avocat dans un instant, Maître Denis Bosquet. D'abord un dernier éclairage au standard, Zoé. Et le problème pour Nathalie Descossines, c'est qu'il reste une ombre au tableau. Les avocats abandonnent Salah Abdeslam, très bien, ce dernier ne veut plus personne pour le représenter, mais Nathalie se demande s'il pourra se présenter à un procès en cour d'assises sans défense. Maître Denis Bosquet, avocat et professeur de droit pénal à l'ULB, est en ligne, bonjour. Bonjour, je ne suis plus professeur de droit pénal à l'ULB, pour la petite histoire. Eh bien, j'actualise mes fiches, vous voici toujours avocat malgré tout. Absolument. Denis Bosquet, est-ce qu'il y a une, au-delà des grands principes et des philosophies de chacun, est-ce qu'il y a une difficulté technique à défendre quelqu'un qui ne parle pas? Est-ce que dans votre travail, c'est une difficulté technique et majeure? Ce n'est pas une difficulté technique, c'est une impossibilité. L'avocat est là pour porter la voix de son client. Si son client se tait, il n'y a plus de défense ni de système de défense à porter. Donc c'est véritablement une impossibilité technique, morale, professionnelle et déontologique. Mais alors, en poussant la logique jusqu'au bout, si l'avocat ne peut pas porter une voix parce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait, puisque chacun a le droit d'être défendu? Alors, c'est un choix du client de ne pas parler. À partir du moment où le client fait le choix de ne plus s'exprimer, de ne pas s'exprimer, de ne pas se défendre, de ne pas prendre position, on ne peut bien évidemment pas le faire à sa place. Ce serait d'une certaine manière trahir son choix de garder le silence, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Mais donc ce serait un premier réflexe de la part d'un avocat, conseiller à un client de parler. Aucun avocat ne conseille à son client la stratégie du silence, alors? La stratégie du silence peut être une stratégie qui a du sens dans certaines circonstances. En attendant, par exemple, de connaître les éléments du dossier dont on est accusé, eh bien, on peut demander, notamment à un juge d'instruction ou à des policiers, de respecter un certain délai, un droit au silence, avant de prendre connaissance des éléments qui sont des éléments, le cas échéant, à charge ou à décharge. Le droit au silence, c'est peut-être quelque chose qui dure quelques semaines, qui dure quelques jours, quelques heures, mais qui dure aussi le temps d'un procès entier, parce qu'on n'entend pas s'exprimer, on tient à garder le silence, c'est un droit absolu et personne ne peut aller à l'encontre de cela. Ça c'est le droit absolu, mais comment ce silence, qu'il soit court ou de long terme, comment il est perçu par des juges d'instruction, après par le magistrat au tribunal, peut-être par un jury de cour d'assises? Est-ce que ce silence est mal vu et suspect par nature? Non, suspect peut-être, mal vu certainement. On préfère bien évidemment d'un accusé ou d'un inculpé qu'il s'exprime, qu'il s'explique, qu'il soit en aveu ou pas en aveu, parce que ça permet effectivement de faire avancer le débat et d'approcher la vérité judiciaire. C'est également important, bien entendu, pour les victimes d'avoir la parole. Qu'elle soit justificative ou non justificative de celui qui est accusé des choses dont on le juge. Mais, une fois encore, c'est un droit absolu et ce droit-là, on ne peut le retirer à personne. C'est une des raisons pour lesquelles, dans notre droit et dans notre société, la torture est quelque chose qui est interdit, parfaitement prohibé. Ce qui, d'ailleurs, dans le cas actuel, n'est peut-être pas totalement... je dirais peut-être pas parler de torture au sens propre du terme, mais il semble quand même que le régime il est sous surveillance 24 heures sur 24. Dire à M. Salah Abdeslam à la prison Fleury Mérogis soit à ce point dur, vidéosurveillance 24 heures sur 24, que il y ait des effets psychologiques et notamment cette espèce de manière de se murer et de, comme disait son avocat français Franck Barton, c'est une certaine forme de suicide. Oui, c'est ce qu'il disait notamment sur BFM TV. Très rapidement, 30 secondes devant nous, Denis Bosquet, qu'est-ce qui se passe maintenant? Deux avocats renoncent, Salah Abdeslam se tait, c'est un avocat commis d'office ou on peut y aller sans avocat? Alors, en principe, on ne va pas à la cour d'assises sans avocat. Donc, pour la première des questions qu'il conviendra de se poser, c'est de savoir si cette affaire va aller devant la cour d'assises en France. J'imagine que oui. Je ne connais pas exactement les règles en France, mais si ce sont les mêmes qu'en Belgique, on ne va pas à la cour d'assises tout seul. Alors c'est le principe, retenons ça parce que c'est une information importante. Ça veut dire qu'il y aura une intervention d'avocat tôt ou tard et on guettera la suite de ce dossier. Merci pour le premier éclairage, Denis Bosquet. Vous êtes donc avocat spécialisé observateur. On va vers les enseignements. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique. Le week-end des 15 et 16 octobre, de 11 à 18 heures, vieux chemin de Grupon à Bure. Étienne Piron, symbole de qualité. SCID pour ses fenêtres. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID Portes et Fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. Demain, j'arrête de fumer. Et puis aussi de manger n'importe quoi. J'ai rencontré de graves difficultés. Maintenant, je dois me reconstruire. Pour trouver la solution à vos problèmes, faites appel à l'hypnose thérapeutique. Et pour trouver le praticien qui vous convient, hypnosia.be. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? De la musique qui fait rêver? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be, c'est bien pensé. Vivacité La Une et Ouf TV présente le Festival International Nature Namur. Du 14 au 23 octobre, la nature est un spectacle. Venez partager les meilleurs films et photos nature de la planète à la Cinépolis et dans la Citadelle. Programme festivalnaturenamur.be avec la Wallonie, la ville et la province de Namur. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Est-ce que c'est une forme d'abandon? Vos commentaires sur la page Facebook, Marie-Ange Aumotte. Et vous êtes 42 338 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Ce commentaire de Michel, pour elle, c'est normal que Franck Berton et Sven Marie renoncent s'ils n'ont plus confiance en leurs clients. Si Salah Abdeslam leur ment, comment pourrait-il le défendre? Christine, elle rappelle qu'un avocat a toujours la faculté de se retirer d'une affaire. Un commis d'office, lui, sera de toute façon attribué. Vous avez tout à l'heure souhaité une conversation sur la STIB, où les contrôleurs ne peuvent plus fermer les yeux. Ils devront à chaque fois dresser un PV aux fraudeurs. Est-ce qu'on doit laisser une marge de manœuvre aux contrôleurs? Dans les enseignements de ce matin, on retiendra la tolérance zéro, à condition que le service soit parfait. C'est le seul moment où vous acceptez la tolérance zéro. Des visions de la vie en entreprise totalement différentes. Brigitte Atubis veut l'humain avant la machine qui dit infraction. Paul, le contrôleur de la STIB, a très clairement précisé que le boulot devait être correct, le boulot correct avant l'humain. Et puis, à l'avis des experts, la STIB nous rappelle deux possibilités de recours, soit le service contentieux de la STIB, soit l'ombudsman, le médiateur. Dernière personne, Zoé, à laquelle vous avez parlé au standard. C'était Suzy de PEC. Suzy est pour la tolérance zéro. Elle ne voit pas pourquoi certains devraient être graciés plus que d'autres. Pas de ticket, un PV, affirme Suzy. Mais pour elle, le problème est tout autre. Elle a l'impression que cette automatisation des contrôles pourrait porter préjudice aux contrôleurs qui risqueraient d'être remplacés par des machines. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ces contrôleurs qui ne ferment plus les yeux et qui contrôlent tout. Parmi les moments de ce matin, il y a eu Annette d'Anderlu à 10h15. Pour elle, la tolérance zéro est déjà en application. Il y a fraude, bien sûr. Mais enfin, bon, il faut quand même qu'ils aient un peu plus de patience pour vérifier, justement. Ah, ma fille n'était pas en fraude, puisqu'elle avait son abonnement, elle avait son ticket de recharge, donc, à la borne, parce qu'il y a une borne qui est en verlu. Elle lui montre le ticket, la preuve de paiement, et le chauffeur l'a obligée à payer 3,20 €. Ça veut dire que ça n'avait pas les 3,20 € sur elle, elle devait descendre du bus. Quand je monte sur le bus et que je vois l'arrogance avec laquelle certaines personnes, ou dans le métro, certaines personnes ne payent pas, moi, ça me met en rage. Moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Et tolérance zéro, tant mieux. Il faut laisser à l'être humain la marge de manœuvre de l'être humain. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Et l'arbitraire non, je crois que si on fait confiance aussi à son personnel de l'ESTIC, parce que c'est ça aussi, c'est de lui dire qu'il est capable de juger, sinon mettons uniquement plus que des machines et plus d'êtres humains nulle part. En tant que contrôleur, il ne faut pas oublier que nous sommes des agents assermentés, donc on doit faire notre travail correctement. Bon, il faut avoir une certaine conscience professionnelle, on est humain, on comprend les gens, on écoute les gens et on marque les remarques que les gens nous font. Et c'est à eux à se justifier par après auprès du bureau qui gère ça. Bon, j'ai voulu payer avec un billet de 10, on n'a pas su me remettre. Je trouve ça aberrant que la STIP ne sait plus remettre 2,50 € ou 7,50 € dans n'importe quel magasin. Je sais payer avec une carte bancaire et pas la STIP. Pour moi, à partir du moment où mon abonnement est en règle, je veux dire que j'ai payé de telle date à telle date et que je suis pris et que j'ai oublié à ce moment-là de la machine, ben, je trouve que c'est du vol pur et simple. La conversation continue sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, n'hésitez pas. Il y a quelques contrôles, simplement pour s'assurer que tout est fait dans le respect des lois de ce pays. À demain pour nos 2 heures de dialogue.